Bonjour à tous et bienvenue dans Movie Nerd, le podcast des nerds cinéphiles, l'émission mensuelle où l'on discute cinéma entre passionnés. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 13, enregistré le 3 mars 2015. Je suis Axel, votre hôte durant ce podcast, et je suis accompagné cette fois-ci que d'un seul de mes co-hôtes habituels, qui est Eddie. Salut, ça va ? Ça va bien, et vous ? Ouais, ça va. Donc Quentin n'est pas là, mais on a un intervenant dans ce podcast. J'aime bien l'introduire comme le roi des jeux de mots et cinéphile à 16h, Morgan. Je sais pas si tout le monde pense ça pour les jeux de mots, mais bon. Non, moi j'ai pas le droit à une introduction comme ça. Enfin, non, mais tu sais, comme on doit les payer, c'est ça. Un peu dur en ce moment. Enfin, je devrais faire inviter plus souvent, mais au moins je fais de l'argent. Donc Morgan, vous le connaissez, on l'a eu le mois dernier dans notre podcast hors série, qui était en trois parties. Donc ça va Morgan, en fait, je t'ai même pas demandé. Ça va pas trop mal, et vous ? Ok, ça va. Alors, là c'est la partie dans l'émission où on fait semblant de passer de parler avant, tu sais. C'est un peu l'instant Drucker, quoi. Ouais, tu vois j'aime bien présenter les invités. Et on est tous les trois assis sur un canapé rouge, hein, évidemment. Ouais, bien sûr. c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un super mois dans les salles obscures. Pour vous aussi. Ah oui. Moi, ça a été. Moi, j'ai vu pas mal de films ce mois-ci. J'étais assez content de pouvoir voir trois films en salle. C'est assez impressionnant. Moi aussi. Morgan, toi, tu n'es plus. Je vais tout de suite l'annoncer. Tu n'es plus chez Netcritics. Donc, tu as décidé de reprendre ton blog qui est Cinémaniacs sur quelle plateforme ? Overblog. Okay. Donc de toute façon vous trouverez les informations sous les notes du podcast, voilà. Merci, je voulais encore remercier Neocritics, donc toi et Florian d'avoir participé le mois dernier, parce que c'était quand même assez c'était sympa à enregistrer, mais c'était ça a duré quand même assez longtemps, donc voilà. Ah oui, je me souviens encore, ouais. Donc avant de commencer le sommaire, vous avez pu l'entendre, j'ai changé les musiques d'introduction. J'ai pas encore. Enfin vous écouterez ça. Quand ce sera diffusé, j'ai changé tous les jingles. Ce sont pas vraiment des jingles, mais plutôt des musiques de transition plus agréables que ces vieux jingles qui étaient mal réalisés. Je peux le dire parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc, maintenant que tout est dit, on peut passer au sommaire de ce podcast. Donc on commencera avec un vidéo club Movie Nerd sur le film Cloud Atlas. Ensuite on aura la rubrique nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes, où on aura plein de films, on vous en parlera. Le film du mois c'est Jupiter Ascending. Oui. Là je peux le faire aussi. Oui, quand même. Oui. On va pas dévoiler notre avis par des meuglements et des. Hein, on fait tout le podcast en onomatopée, tu sais. C'est une nouvelle rubrique que j'ai décidé d'incorporer dans le podcast parce que je trouvais qu'on parlait pas assez de mauvais films. Donc voilà. C'est la recommandation pas très recommandable. Je vais vous expliquer rapidement le principe, c'est pas très compliqué. Chaque mois, un co-hôte ou un autre, annonce aux autres de regarder un film et on en parlera dans le podcast du mois prochain. Pardon. Du coup, ce sera un film, à chaque fois, ce sera un film assez mauvais, puisque pas très recommandable. Bah, censé être mauvais. Cette fois, c'est Quentin qui a proposé le film. Je l'annoncerai alors qu'il n'est pas là. Ouais, c'est quand même. Normalement, il devait nous garder la surprise, mais il a dû me le dire puisqu'il n'est pas là. D'ailleurs, j'ai complètement zappé de le dire, mais Quentin sera là juste pour un petit segment dans nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes, parce qu'il voulait absolument parler de Kingsman, un petit film dont on n'a pas trop entendu parler ce mois-ci. Ah, mauvais film, très mauvais. C'est... C'est juste incroyable comme c'est mauvais. On sera avec Morgan et Quentin, Morgan et moi-même pour vous parler de ce film, mais ça, ce sera enregistré plus tard. On vous fait passer les détails. Du coup, si vous n'avez rien à rajouter... Moi, je serais pas là pour Kingsman, mais du coup, vous l'enregistrez... Dans le futur. Durant cet enregistrement là, ça doit pas être bien clair tout ce qu'on dit, mais ouais, voilà. En fait, c'est pas grave, ça sera dans le montage final, avec, c'est plus important. Avec Morgan, on va prendre la DeLorean et on va aller jusqu'à vendredi pour rejoindre Quentin. Et, voilà. C'est voilà. Ça. Donc, voilà. Je suis en train de vous imaginer dans la DeLorean. Morgan avec les cheveux de Doc et. Après ce segment un peu. On est donc parti pour la première rubrique qui est le Vidéo Club Movies Nerd sur le film Cloud Atlas. Voilà. Et on est donc à la première rubrique de ce podcast numéro 13 sur le film Cloud Atlas, donc c'est le Vidéo Club Movies Nerd. Avant de commencer, je voulais rappeler quelques petits détails sur le film. C'est un film réalisé par Andy et Lana Wachowski. Et par contre... je pense que je vais couper cette partie parce que j'ai pas préparé la fiche. Donc j'étais assez mauvais sur ce coup-là. Là, pendant que j'étais en train de meubler, j'étais en train de chercher sur vite. C'est un petit. Et moi, le con, je le sais, j'étais même pas allé. Je me rappelle. Tom Tickwer. C'est qui? Tom Tickwer, je sais pas comment on le dit, mais Tom. Tom Tickwer, ouais. Tickwer, ouais. C'est Tom Tickwer. Queer. ouais, voilà, maintenant je l'ai. Donc, c'est un film sorti en 2012, après ce moment un peu gênant pour moi. Il est sorti en 2013 ah oui, il est sorti en 2012 aux États-Unis et en 2013 chez nous. Ouais. Voilà, le scénario est adapté d'un bouquin, La cartographie des nuages, de David Mitchell. Est-ce que l'un de vous l'a lu? Non, je sais que non. Quentin l'a lu, donc c'est dommage qu'il soit pas là parce qu'on aurait pu lui demander. C'est pareil que c'est pas facile à lire. Moi. Enfin, vu le film en même temps, ça doit pas être évident à lire, mais. Il y a tellement d'acteurs que j'arriverai pas. Mais bon, les principaux, c'est Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving, Jim Broadbent, Jim Strode, Ben Whishaw, Hugh Grant. Ben Whishaw. Ah oui, c'est vrai, Hugh Grant. Ouais. Il est complètement zappé. Ouais, Hugh Grant, James Darcy, Keith David. Enfin, voilà, il y en a tellement. Parce que le film, on l'a annoncé, il est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui se... Mais en fait, il est simple. Il est simple, voilà. Mais compliqué. Donc vas-y, Edith, je t'en prie si tu veux commencer. Cloud Atlas... pour commencer, je dirais que en fait, le film est simple en fait, et c'est sa narration qui peut un peu dérouter. En fait, c'est typiquement le genre de film auquel on peut dire, faut être dedans quoi. Faut vraiment être dedans. C'est que parfois on dit ça, faut vraiment être dedans pour bien suivre. Mais là, c'est vraiment le cas parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, et c'est surtout que au niveau de l'histoire, ça se passe sur 6 époques différentes avec des personnages différents qui sont pour la plupart interprétés par les mêmes acteurs. Certains acteurs jouent chacun un personnage dans les 6 époques différentes. Et après, je sais pas ce que vous m'arrêterez si je me trompe, mais je pense qu'on peut dire que c'est un film sur la vie, la réincarnation, je pense aussi. Bon, après, le truc, c'est que... Je t'arrête deux secondes. En fait, le truc, c'est que je découvre... Moi, je... grand fan des Wachowski, j'avais toujours pas vu le film. Alors ça, c'est vraiment une honte totale. Du coup, je l'ai vu ce mois-ci, donc c'était une découverte. Et je me suis pas intéressé au sous-texte, en fait. J'étais tellement concentré dans l'histoire que je voulais rater aucune seconde, aucune minute qui pouvait être importante. Ouais, t'es encore dans ta première lecture du film. La lecture bête, basique, juste une histoire qui est sympa. Donc, mais j'ai pas encore regardé tous les sous-textes, mais je suis sûr qu'il y en a des milliards, connaissant les Wachowski. C'est ça, parce qu'en fait, l'histoire, comme tu dis, l'histoire de base, justement, mm-hmm. Elle est simple en fait. Elle est assez. On pourrait même dire qu'elle est un peu cliché sur certains aspects. Et en fait, c'est vraiment tout le sous-texte qu'il y a derrière, quoi. C'est qu'il y a vraiment tout un fil conducteur récurrent durant tout le film, qui porte en fait cette histoire simplette à quelque chose de beaucoup plus universel. Et c'est ce qui rend le film très beau. Moi, juste comme ça, c'était mon film préféré de 2013. Ouais, Il était numéro 1 et j'avais vraiment. Je m'attendais pas, ça a été une sacrée surprise. Moi, ça aurait été le numéro 2, je pense. Ouais. Après Django. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est un film qui est pas forcément évident à aborder, mais faut se laisser bercer, quoi. Ouais. Ça fait partie de ces films de toute façon qu'il faut voir deux fois. Une fois en se laissant bercer, puis la deuxième fois en repérant tous les petits endroits qui auraient pu nous échapper durant le premier visionnage. Au-delà de ça, c'est un film. C'est des Wachowski, donc il y a une patte assez reconnaissable. C'est un film. Donc les Wachowski ont dirigé trois segments du film et l'autre réalisateur a dirigé trois autres. Non, parce qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé de concert Je veux dire, il y a quand même une sensibilité artistique différente et j'ai pas vu la différence en fait. Donc. Bah, les Wachowski, voilà, la partie néo-Séoul, tu sais que c'est eux, quoi. Mais je pense qu'ils ont laissé les parties historiques et tout ça. Parce que je sais plus exactement qui a réalisé quoi. Je sais que les Wachowski ont fait la partie Néo-Séoul dans le futur avec Sonmi 400, je sais plus combien. Tous les trucs futuristes, c'est eux qui les ont fait, ça c'est sûr. L'après-terre, je pense donc après encore le Néo-Séoul, il me semble que c'est eux. La Terre après la chute, en fait. Et les années 70, c'est possiblement eux aussi, je pense. Donc voilà, on peut parler de ça. Il y a différentes époques. Il y a dans les années 1800 où on suit l'histoire d'un. C'est un mec qui fait sa traversée de l'Europe jusqu'aux États-Unis ou des États-Unis jusqu'aux jusqu'en Europe. C'est un personnage incarné par James Sturgess qui est sur un bateau qui part pour les Caraïbes. Ah, ouais. Sa femme est sur le continent et lui en fait il est là-bas, ça doit être un juge, je sais plus, j'ai pas revu le film avant le podcast, mais il me semble que c'est un juge. Désolé, il y a peut-être des trucs qui vont être assez approximatifs, mais en même temps il y a six histoires, il y a autant de personnages. Le meilleur truc à faire, c'est de voir le film déjà. C'est ça, et en fait lui il incarne un juge, un avocat. Qui va être le premier élément déclencheur pour l'abolition de la traite des Noirs. Ben Whishaw, ensuite, il incarne un personnage qui se passe dans les années 1900, juste avant la guerre. Je sais plus, alors que j'ai vu le film il y a deux semaines. Alzheimer, quand ça guette. C'est pendant la guerre. Donc lui, il va composer. Il va être l'auteur de la musique qui va survoler tout le long du film, en fait. Claude Atlas, donc la cartographie. Le Claude Atlas Sextate. Ensuite, l'autre époque, donc c'est dans les années 70. Donc là, c'est Louise Arey qui est incarnée par Holly Berry, qui est une journaliste qui va se lancer dans la lutte contre le nucléaire. Et le grand méchant, c'est Hugh Grant. On n'a pas l'habitude de le voir en méchant. En 2012, ensuite, c'est Timothy Cavendish. Il est incarné par Jim Broadbent qui essaie de s'évader d'une maison de retraite. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Comique du film. Fonctionne à merveille, je trouve. Comique très british et tout. Moi, j'ai adoré ça. Ensuite, on est dans le futur avec ce qu'ils appellent dans le film un fractaire. Donc, c'est un clone qui va soulever tout un peuple, en fait, contre une société qui ne vit que pour consommer. Et ensuite, on est dans un futur encore plus lointain, donc c'est la chute de la Terre, et là, on est avec Tom Hanks, qui sera face un peu à ses démons intérieurs qui tenteront de l'empêcher d'élever son clan contre une société de cannibales. C'est un peu ça. C'est les grandes lignes, hein. Le film est beaucoup plus... Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Morgane. T'as pas trop parlé, donc... euh, Non, moi j'écoute parce que c'est vrai que le film, bah, j'en ai des souvenirs assez vagues en fait. Mmh. Je l'ai vu qu'une fois et je l'ai vu au cinéma quand il est sorti. Je l'ai acheté en Blu-ray en septembre, je ne l'ai pas encore revu. Parce que le film est très long, donc c'est vrai que faut le caser, voilà, c'est ça. Mais non, pour l'instant, je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai qu'il y avait certains détails de l'histoire, par exemple que Halle Berry combattait le nucléaire. Je ne me souvenais absolument pas. Je me souvenais du rôle, mais alors de. Il y a, c'est vrai qu'en termes de. Parce que c'est un film quand même assez complexe, hein, pour remettre tout dans l'ordre, savoir qui est qui, etc. Donc là, comme ça, non, j'écoute. Ouais. Je suis plutôt passif, on va dire. Mais. Ça. Enfin, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Eddy. C'est un film que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'affection. Je dirais même que je le préfère à Matrix. Alors, j'aime beaucoup Matrix, hein, mais c'est parce que je pense que les deux suites t'ont un peu déçu, c'est pour ça. Alors que celui-là, il y en a. Non, c'est pas. Oui, mais même sans ça, Matrix, voilà. Mais j'aime beaucoup le premier Matrix. Mais je pense qu'en fait, les thématiques de Claude Atlas me touchent plus personnellement. Ouais, en fait, c'est juste ça. Okay. Et je pense que les deux films se valent et il y a des voilà, c'est qu'il y a vraiment des thématiques dans Claude Atlas qui sont importantes à mes yeux et je pense que c'est ce qui joue aussi tout ce qui va toucher voilà c'est des détails tout bêtes mais il y a tout un discours sur le manichéisme aussi au cinéma et tout ça justement avec ces personnages selon les six époques par exemple sans trop spoiler mais Hugo Weaving va toujours être voilà un peu donc et puis après au-delà de ça c'est un film cinématographiquement que je trouve très riche qui joue sur différentes facettes quoi il y a du comique il y a de la science-fiction il y a de l'émotion il y a le côté dramatique enfin il y a vraiment il y a une écriture assez bouleversante je trouve dans tout ça quoi parce que c'est une grosse symphonie sur la vie sur la continuité et il y a une phrase très belle que je trouve dans le film c'est nos vies ne nous appartiennent pas de la matrice au tombeau nous sommes liés aux autres je trouve ça voilà moi il y a des tirades comme ça que je trouve absolument vraiment magnifique quoi c'est un film qui m'a énormément touché ouais. Donc moi rapidement donc comme je l'ai dit j'ai découvert le film là, pour le podcast. Donc je sais vous pouvez me taper c'est une honte ça faisait longtemps que je voulais le voir mais j'avais pas le temps de le caser ou ça doit faire quasiment 9 mois que je te le conseille ce film depuis le début du podcast je crois ça faisait très longtemps que je voulais le voir et c'est la magie Wachowski à son paroxysme pour moi ce film c'est vraiment que ce soit dans l'écriture la mise en scène qui est épique et millimétré c'est vraiment c'est de vrais artisans du cinéma techniquement ils s'y connaissent mais à fond dans leur truc je suis quasiment sûr qu'ils opèrent eux-mêmes la caméra tellement ils doivent être je pense que t'as vraiment trouvé le terme oui c'est des artisans du cinéma ils sont super concentrés sur leur truc et ils lâchent pas jusqu'à ce qu'ils aient fini le dernier montage le dernier mixage l'histoire m'a vraiment renversé le développement des personnages et les connexions entre eux comme je l'ai dit avant comme je l'ai vu la première fois je l'ai vu un peu de façon basique donc je devais vraiment me concentrer pour faire les connexions entre les personnages je suis pas encore sûr d'avoir tout compris d'ailleurs mais ça ce sera pour un deuxième visionnage en tout cas le film est monumental et spectaculaire il va à 100 à l'heure, j'ai pas vu le temps passer on s'ennuie jamais. J'étais vraiment concentré sur l'histoire de base de peur de manquer certains petits détails importants comme je l'ai dit j'ai pas cherché de sous-texte à part bien sûr j'ai quand même trouvé qu'il y avait la critique de la société de consommation dans la partie néo-séoum donc c'est toujours dans les films de Wachowski donc et on en parlera d'ailleurs pour Jupiter Ascending les sous-textes est évident en fait ceux qui sautent le plus aux yeux, mais c'est qu'il y en a tellement plein d'autres. Mais même moi, hein, moi je suis persuadé que je suis passé à côté de pas mal de trucs, alors que je l'ai vu 4 fois, je crois. Quand j'avais fini le film, je voulais juste tout de suite le relancer pour rechercher tous ces sous-textes que j'étais passé à côté. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais déjà fatigué. Après 2h40, je crois, de film, un truc comme ça, 2h30. 2h52, précisément. Donc... Générique compris. Hein. ma peur, en fait, avec ce film, c'est qu'avec autant de personnages, on n'arrive pas à s'attacher à tous et qu'on aurait vraiment un préféré et qu'on voudrait vraiment suivre ce personnage-là et pas les autres. Ils disent, enfin, qu'on se dise « Ah, mais pourquoi il passe sur celui-là alors que je veux savoir la suite de l'histoire de ce personnage ?» En fait, ça n'a pas été le cas pour moi. J'ai trouvé toute une histoire passionnante et assez bien développée dans l'ensemble. Les acteurs sont tous très bons. Ils sont souvent utilisés pour plusieurs rôles, comme on l'a dit, à travers les différentes histoires. J'ai trouvé qu'à un moment, je crois que c'était sur le navire, Tom Hanks surjouait un tout petit peu. Après, sinon, il n'y a pas d'autres gros soucis techniques, enfin, gros soucis d'acteurs. Bah, c'est que tu as toute cette dimension un peu burlesque aussi. C'est un film qui est vraiment à l'image, je trouve, de Lana Wachowski, justement, qui fait vraiment écho aussi à tout son passé, quoi. C'est son changement de sexe et tout. C'est un peu un film mutant, en quelque sorte. C'est un film métamorphe, un peu, je trouve. Ouais. Hugo Weaving, toujours parfait dans ses rôles de bad guy. Alors, moi, je suis fan de ce mec. C'est... à chaque fois. À la Nurse Noakes, c'est culte. Ouais. Sam Morgan, tu dois t'en rappeler quand même. Morgan nous a quitté, ou je sais pas, mais apparemment. Oui, je sais pas. Tant pis, on continue. Donc, concernant l'aspect esthétique du film, j'ai trouvé les effets spéciaux super impressionnants. Les costumes, les maquillages qui étaient super bien travaillés. Le design des vaisseaux, des armes sont originales et bien foutues. Par contre, le seul bémol, les maquillages sur des occidentaux pour les transformer en asiatiques. J'ai trouvé qu'ils ressemblaient à des souris. C'est vrai, j'ai jamais l'impression. Il suffisait de leur rajouter des petites moustaches et c'était des souris. Enfin, moi c'est ce que. Regardez le film et dites-moi ce que vous en pensez, mais. C'est pas faux, ouais. Donc voilà. La musique. Autant il y en a sur qui ça passe bien, mais alors il y en a. Pas possible, à chaque fois je me disais, mais c'est. Bon, ils auraient mieux fait d'engager. Je pense, mais après c'est sûr que ça aurait pas fait la continuité des personnages qui sont pas. Enfin, qui sont. Liés entre eux à travers l'espace et le temps, mais ça aurait été bien d'engager un peu plus d'acteurs asiatiques, peut-être. Sinon, la musique est splendide, elle sort vraiment de l'ordinaire, et ça fait un bien fou, franchement. Et donc, la musique, c'est Tom Tykwer lui-même. Donc, c'est juste génial. Je crois que c'est le film parfait, et il y a tout pour plaire à un geek cinéphile comme moi. Il y a un mélange de films historiques avec de la fantasy, de la science-fiction, du polar, du film noir, de la comédie et du drame. C'est une œuvre complète et riche que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Voilà, Morgan, est-ce que tu es avec nous ou pas du tout ? Ah. Je suis revenu en fait, j'avais un petit contretemps. Mais je vous entendais, hein. Mais je ne pouvais pas répondre. Pas de souci. Donc. Ouais. Et juste comme ça, enfin si tu disais oui, faut le voir, et faut aussi le voir parce que c'est malheureusement un film qui a été boudé par les studios, par plein de gens, qui a fait un beat sur le sol américain. Comme un certain Jupiter Ascending. Voilà, et c'est tout simplement le film indépendant le plus cher de l'histoire à ce jour. Voilà, il est distribué par la Warner en France pour les DVD, les Blu-ray. Aux États-Unis, mais par la Warner. Je sais pas comment c'est. Bah, je pense, hein, mais voilà, pour la diffusion en salle, c'était pas ça. Et donc voilà, c'est aussi. Voilà, si vous êtes cinéphile et vous aimez les Wachowski, il y a aussi un petit acte de foi entre guillemets. Acheter leur Blu-ray. Non, mais enfin voilà, donc c'est vraiment un super bon film. Il est rentré directement dans mes top films de tous les temps, donc voilà. Il n'est pas devant Matrix, parce que Matrix, je l'ai vu peut-être à la bonne période, au bon moment, quand j'étais adolescent, donc ça m'a foutu une grosse claque. À chaque fois que je le vois, je ne m'en remettrai jamais. Mais Clone Atlas, c'est vraiment un super bon film. Et voilà. Morgan, d'ailleurs, on te posait la question, est-ce que tu te souviens d'Hugo Weaving dans le rôle de la nurse? La nurse Noakes. Alors moi j'ai un souvenir un peu particulier avec ce personnage, c'est que je n'ai pas reconnu Hugo Weaving du tout. Je ne savais même pas que c'était un homme. Non, c'est vrai que... Enfin, Ah, je n'ai. Je me suis dit, c'est une femme qui a des airs masculins, ça arrive, hein, y a plein de personnalités. Je vais pas citer des personnalités, mais. Et du coup, j'avais, en sortant du film, je me suis dit, il faut que je trouve l'actrice qui joue. Parce que je trouve aussi, cette actrice, elle a une gueule de cinéma assez extraordinaire. Et quand j'ai vu que c'était Hugo Weaving, j'ai fait, ah oui, ça me semblait évident. Ouais. Et, mais lui, de toute façon, il s'éclate dans le film. Vraiment, À lui, mais il prend un pied monumental. Hein, et ça se sent parce que. Mais c'est un acteur de façon qui est complètement. Dans son monde. Ah oui, oui, mais il est génial, ce mec. C'est vrai, autant tu le vois très sage et très majestueux dans Le Seigneur des Anneaux quand il fait Elrond, mais alors quand tu le vois là, voilà, et l'agent Smith dans Matrix, c'est vraiment. C'est un caméléon. C'est un Nicolas Cage qui serait bon. Voilà. C'est ça. Il est spécial, mais bien. Donc voilà. C'est ça. Si personne n'a rien à rajouter sur le film, je pense qu'on en a déjà bien parlé. Après Morgan, je sais pas, du coup, t'en as pas parlé du tout. Non, moi c'est un. Rapidement, non, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Même personnellement, c'est un film. J'avais jamais vu ce genre de film avant de le voir, donc j'aime bien voir des choses inédites, surtout en ce moment où on voit quand même des films qui se répètent un petit peu. Non, c'est un film qui m'a fasciné. C'est original, c'est beau et allez, petit défaut, mais ça, c'est un défaut qui revient souvent au niveau des maquillages. J'ai pas trouvé ça toujours très joli, mais sinon. Mais j'en parlais justement. Mais sinon, non, c'est un film formidable. Ouais. C'est un grand film, film choral, quoi. Ouais, c'est un film énorme. Quoi. Donc voilà, on vous conseille énormément d'aller voir, de regarder ce film si vous ne l'avez toujours pas vu. Et nous, on va passer à la rubrique coup de cœur, coup de gueule et découverte. C'est parti. On est donc à la rubrique coup de gueule, coup de cœur et découverte. J'ai mis ça dans le mauvais ordre, mais c'est pas grave. on va vous parler de plusieurs films qu'on a vus ce mois-ci. Et je vais laisser d'abord Eddie parler du dernier Disney Big Hero 6, ou je sais plus le nom en français, Nouveaux Héros. Vas-y. Les nouveaux héros, oui, comme tu dis, c'est le dernier Disney. C'est le dernier, la dernière film d'animation. Donc, juste après La Reine des Neiges, j'en ai pas eu depuis. Moi, c'est une tentée, mais pas plus que ça, quoi. J'avais pas de grosses attentes sur les nouveaux héros. Et puis, ça a été une bonne surprise. Je me rends compte que je suis. Oui, j'ai beau grandir, je reste un fanboy de Disney. Ils ont vraiment des thématiques qui me parlent, quoi. Enfin, qui me parlaient quand j'étais petit et qui me parlent toujours. Et là, on est en plein dedans, quoi. Donc là, ils adaptent l'un des comics de Marvel si j'ai bien compris. Ouais, j'en ai jamais entendu parler, donc. Moi non plus, donc c'est pour ça que je mets des guillemets sur ce que je dis. Oui, mais apparemment, c'est ça. Hein, c'est... Mais oui, de toute façon, il y a un petit caméo de Stan Lee pour rester après le générique, c'est assez sympa. Donc il y a bien un lien avec Marvel. Et donc du coup, c'est un film que je trouve très honnête avec son public, qui vend ce qu'il promettait, en fait, mais même plus. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je m'attendais un film Disney qui allait être comique avec ce gros bonhomme, un peu bonhomme Michelin, Bibendum. Je m'attendais à ça, un gros film un peu comique et puis avec de l'action, assez sur l'univers des super-héros. Et puis évidemment, ça va au-delà de ça, quoi. C'est un film qui nous parle du deuil, qui nous parle des responsabilités. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, j'ai envie de dire. c'est un film sur le comme souvent chez Disney, ça c'est assez récurrent chez eux, mais ils en parlent encore une fois et ils le font bien, je trouve. C'est un film sur le passage à l'âge adulte. Visuellement c'est tout simplement magnifique, quoi. Il y a des rendus visuels assez incroyables, je pense à des détails tout bêtes, mais genre l'eau est très bien rendue, la lumière, la brume, parce que ça se passe à San Francisco, qui est un mix entre San Francisco et Tokyo, Donc on a le pont du Golden Gate un peu à la japonaise, c'est assez sympa. D'ailleurs, c'est bien, il me semble que c'est le dernier, c'est le... Depuis Mulan, on n'avait pas eu de héros asiatiques aussi. Ouais, asiatique. Donc ça, c'est assez sympa. Les visages sont différents, je trouve, aussi de la Reine des Neiges ou de Réponse et compagnie. Ça a été travaillé différemment. On est dans quelque chose d'un peu plus terre-à-terre, en fait, je trouve. Malgré le côté super-héros, robots et tout ça, on est dans une ville qui paraît assez crédible. Et oui, c'est un univers cohérent qui fonctionne bien, je trouve. Puis au-delà de ça, comme je disais, visuellement, il y a des choses vraiment, vraiment sympathiques. Il y a des effets tout cons, une route mouillée. Et ben, ça paraît bête, ça paraît être du détail, mais c'est tellement dur à faire en animation. Et là, je trouve qu'ils le rendent bien. Et voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a l'humour qu'il faut, il y a l'action qu'il faut, il y a l'émotion qu'il faut. C'est subtilement dosé et non, c'était une bonne surprise. C'est pas le film de l'année, mais moi, en tout cas, moi j'ai vraiment aimé. Je pense que s'il n'y en a pas d'autres d'ici là qui le surpassent, il est bien parti pour être dans mon top de 2015 pour le moment. En tout cas, voilà, moi j'ai vraiment passé un super moment. J'ai ri, j'ai eu aussi ma petite larme à l'œil quand même. Parce qu'il y a des instants. C'est bien amené, quoi. Moi, je trouve ça bien écrit. Mmh. C'est du Disney qui prend pas les gosses pour des cons. C'est... Ouais. Ça y est, on sent bien, voilà, quoi. Comme je disais, j'en avais déjà parlé un peu, mais il y a vraiment un tournant. On n'est plus dans... Ils essaient plus de dépeindre une réalité assez dépassée, quoi. On n'est pas dans un film de princesse, donc c'est vrai que ça s'y prête aussi, mais ils le faisaient déjà dans La Reine des Neiges, où on avait déjà des personnages... Des femmes fortes et tout, et là c'est vrai que bon, il y a le côté un peu surréaliste quand même du jeune garçon qui à 14 ans est un petit génie et tout ça, mais c'est pas que du détail, ouais. Je suis d'accord, mais moi je trouve que ça passe bien, quoi. C'est bien amené et ça empêche pas les enfants de s'identifier à ce personnage, et ils ont su le rendre attachant. Le robot aussi, est assez génial. J'espère d'ailleurs qu'ils vont en faire des peluches et que je pourrai en acheter une la prochaine fois que j'irai à Disneyland, parce qu'il est super, il est vraiment attachant. Ils ont vraiment fait un personnage attachant et qui est pas juste, c'est pas Olaf dans La Reine des Neiges par exemple. C'est pas juste, Olaf était attachant aussi, mais il avait un peu ce côté, ce qu'on appelle le comic relief, je crois. Alors que Baymax a vraiment Baymax, là, le robot infirmier dans le dessin animé, il a vraiment. C'est le problème, c'est que je peux pas trop dire, sinon je dévoilerai des trucs du film. Mais il a une autre figure, quoi. Il est pas là que pour apporter le côté comique. Il y a un autre personnage qui s'occupe de ça et voilà. Moi, je trouve que le duo déjà fonctionne bien. Il y a des choses très intéressantes. Ouais. Donc moi, c'était une bonne surprise et je le conseille. En plus, il passe encore, donc. Donc, moi, je vais peut-être paraître un peu méchant avec le film. Donc, je vais déjà dire que c'était un très bon Disney. Ça, c'est étonnant de leur part. Je leur donne ça. Le design très manga, il me plaît beaucoup. Et c'est assez surprenant, venant de la part de Disney, sortir un truc assez japonisant comme ça. Mais c'est cool, c'est dans l'air du temps. Ils avaient déjà fait une première incursion comme ça dans l'univers du manga, un peu au niveau des dessins. Ils l'avaient fait un petit peu sur Mulan. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Ouais, je ne l'ai plus depuis. Et on retrouve dans certaines images et certaines situations, surtout les scènes où il peut y avoir de la pluie, des choses comme ça. Et ça, c'est un côté très manga, en fait, aussi. Ouais. Maintenant ça va être la partie méchante. Baymax, je le trouve super mignon, mais bon, je suis sûr que c'est une usine à jouets. Le méchant est vraiment badass. J'adore son design avec son masque de kabuki. Ça, c'était vraiment sympa. L'histoire est intéressante, mais vers la moitié du film, elle devient vraiment très très prévisible. À la fin, après avoir puisé toute leur inspiration dans les œuvres préexistantes que sont Avengers et Stargate, je vais pas en dévoiler plus, mais c'est les trucs qui m'ont fait penser. On se retrouve avec une équipe de super-héros qui va sûrement faire un carton chez Toys R Us. Et même si certains ont des personnalités assez distinctes, on ne peut s'empêcher de penser que ce film a déjà été fait un nombre incalculable de fois. Le film, mais surtout la fin, en fait. Malgré tout, il reste un divertissement assez plaisant pour toute la famille. Et vous apprendrez ce qui se trouve sous le pantalon de Stanley. Et juste pour ça, il mérite d'être vu au moins une fois. Ça, c'est ce que j'avais noté parce que j'étais tellement fier de ma phrase. Que... Elle n'est pas facile donc, à caser. Ouais, voilà. Voir sous le pantalon d'un homme de 90 ans, ça me plaît. C'est pas trop. Mais vous allez voir. C'est... Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film. Il reste sympa, mais je trouve que c'est un peu. C'est vrai. Ouais. C'est un peu le. Donc, oui, c'est vrai. C'est... Non, mais c'est sûr, je suis d'accord aussi. Mais après ça. Et je pouvais pas m'empêcher de penser à Avengers et Stargate. Hein. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ah non, mais je suis parfaitement d'accord. Bon, après, bien sûr. Hein. Après, voilà, moi, ils ont une manière de faire, je trouve. Ouais, mais moi, je m'y attendais pas non plus. En fait, donc, si tu veux, pour être honnête, bon, là, je vais parler, ça va être très personnel, mais si tu veux, j'ai conscience de ça, en fait, du côté vitrine, un peu. Mais à côté, je trouve quand même qu'il y a un effort d'écriture et il y a, tu vois, c'est pas simplement. Non mais je concède au film, ça, c'est vraiment. C'est par exemple que toi tu reproches, bien, bon, tu lui reproches tu oui, c'est plus un constat qu'un reproche au final. Mais surtout après Let It Go et tout ça, voilà. où un film est tellement hypé que à la fin on n'en peut plus. La Reine des Neiges, c'est vrai que tu vas. Enfin, moi, pour avoir été à Disneyland récemment, La Reine des Neiges, t'as des Olaf partout, t'as des robes de princesse partout, t'as des poupées, enfin, t'as plein de trucs, quoi. Oui. Je pense. Après, je sais pas si celui-là aura autant de succès. Bah, il a fait un bon score aux États-Unis déjà. Ouais, mais je pense. Non. Le truc des petites filles qui va aller. Il est moins fédérateur, en fait, je pense. Ouais. Et du coup. Il y a évidemment ce côté vitrine. Moi, c'est ce que je reproche un peu à Cars, par exemple. Ouais, qui, pour moi, de la part de Pixar, voilà, ils nous ont habitués à mieux. C'est vraiment dommage. Et j'ai un problème avec ces voitures qui parlent, cet univers complètement mécanique que je trouve pas crédible, en fait, et qui, pour moi, voilà, c'est justement ça. C'est une vitrine pour vendre du goodies et des jouets, quoi. Mais j'entends parfaitement ce que tu dis, je suis d'accord aussi, c'est vrai que oui. Mais Max, il est fait pour être mignon et mais il demeure attachant quand même, je trouve. Non, mais c'est vrai, hein. Moi j'étais super attaché au personnage. Mais juste à la fin, je savais que. Enfin voilà, je vais pas en dire plus, mais je savais ce qui allait se passer. Donc, la fin m'a fait un petit pincement au cœur quand même. Bah moi ça m'a. Ouais. Oui, non, mais moi je me suis dit, ils vont pas. Non, je pense que je regarde mes Disney avec une âme d'enfant, en fait. C'est... Ouais, c'est peut-être que je l'ai peut-être pas vu. Mais en même temps, j'ai peut-être une rancœur envers ce film. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce que j'avais décidé de pas parler des Oscars, mais je vais quand même en parler. Ce film a reçu le meilleur film, l'Oscar du meilleur film d'animation. Et ça, je ne peux pas supporter ça. C'est ce que tu vas dire, Axel, et je suis d'accord avec toi. Ouais. Voilà, le conte de la princesse Kaguya, bordel de merde. Oui, parce que moi, j'ai pas regardé les Oscars et j'ai pas trop regardé les nominations. Il était nommé Kaguya. Oui, d'accord. Ouais. Ok. Il y avait, enfin, entre Kaguya Dragon 2 et celui-là, après les box trolls et tout ça, j'ai pas vu. Donc, mais voilà, pour moi, Kaguya, c'était celui qui devait recevoir le prix et. Ils ont préféré aller avec l'américain comme souvent. J'ai pas vu Kaguya, mais c'est vrai que en termes d'animation, ça aurait fait un peu de changement aussi que ça soit un film comme ça qui reçoive un Oscar. Et puis de toute façon, Disney n'a pas besoin d'Oscar pour réussir. Non. C'est ça aussi. Je crois qu'ils s'en foutent totalement, quoi. Ils s'en foutent, ils ont leur Oscar, mais ils ont pas. Enfin voilà, Kaguya, je veux dire, le nouveau héros, il a pas besoin d'un Oscar pour faire des entrées. Il le marque même pas sur l'affiche. Mais non, parce qu'ils en ont pas besoin. C'est tellement ancré. Ça sera même pas écrit sur le Blu-ray. Hein. Alors que Kaguya serait ressorti en Blu-ray, le film qui a gagné l'Oscar. Sur c'est ça. Takahata, ça aurait été génial, un Oscar pour lui. Il a quand même été nommé. Ça, ils savent le dire aussi. Oui. Mais c'est vrai que oui, je suis d'accord et je comprends. Je comprends un peu ta rancune. Voilà. Les studios Ghibli sont toujours nommés, il me semble. L'année dernière, ils ont été nommés pour Le Vent se lève. Pour, Le vent se lève. Ah, il méritait pas un Oscar celui-là, mais ça, c'est un autre débat. du coup, ouais, je crois. Mais en plus, Miyazaki a reçu un Oscar d'honneur pour ses Oscars 2015. Ouais. Ça aurait été bon après. Voilà. C'est toujours, pour moi, c'est le problème avec les cérémonies de ce genre. C'est toujours le même cercle de personnes qui tournent autour et c'est toujours les mêmes personnes qui sont nominées. C'est ça. Et qui reçoivent les prix, donc voilà. Pour moi, c'est un peu, enfin voilà, je m'attache pas trop à ce que les films reçoivent des Oscars parce que je sais déjà que c'est fait d'avance. Donc voilà. Sinon, oui, Morgan, d'ailleurs, si tu as quelque chose à rajouter sur Big Hero, parce qu'en fait, on est parlé dans les Oscars et je voulais pas du tout parler de ça, mais j'étais un peu obligé là. On nous a bien dit avant le podcast, bon, on va pas parler des Oscars, ça va intéresser personne. En plus, je l'ai dit. Hein, mais, non, parlons des voilà. Césars. Parlons des Césars. Alors, on va s'endormir. Hein. je vais faire aussi mon parlant que d'hier. Non, les nouveaux héros, non, je l'ai vu en avant-première en janvier, j'avais adoré, j'étais sorti très enthousiaste. Je l'ai revu il y a 2-3 semaines, alors j'ai un peu revu mon avis parce que j'avais été un petit peu pris dans le feu de l'action, j'ai envie de dire, même si je trouve que à y réfléchir, le scénario est extrêmement prévisible, même la première fois que je l'ai vu au sujet du méchant, ses intentions, je savais qui c'était, j'ai vraiment tout vu venir, la fin je l'ai vu venir, c'est une belle machine. C'est ça en fait le truc, c'est une belle machine, donc j'ai été pris dedans, la BO est excellente, notamment la chanson de Fall Out Boy qui est géniale, c'est un film, c'est vrai que la BO, c'est ça en fait, c'est pas un chef d'œuvre, c'est vrai que je préfère ça à La Reine des Neiges très franchement, mais c'est très bonne facture et comme l'a dit Eddie, voilà, c'est très fédérateur, donc ça ramène du public, c'est mignon, c'est pas non plus un chef d'œuvre, mais c'est mignon. Mais je pense qu'il est moins fédérateur que La Reine des Neiges, hein. Je sais pas. Oh, je trouve bah, c'est le, enfin celui-là c'est pour les garçons. La Reine des Neiges c'est pour les garçons, La Reine des Neiges c'est possédé pour les petites filles. Non, mais c'est à peu près ça. De toute façon, Disney est tout le temps fédérateur parce que les parents doivent aller avec les enfants. Donc ils ont pas le choix. J'ai mes 22 ans, je suis allé voir ce film tout seul. Mais par rapport à Baymax, je fais pas partie de ceux, même si en fait j'ai l'impression que quand le film a été fait, les réalisateurs, je ne sais plus, le réalisateur s'est dit, il faut que quand les gens sortent du film, ils se disent, je veux un Baymax. Et c'est vrai que le film, c'est quand même 2 heures pour vendre un jouet au final. Mais c'est très bien fait. Donc là-dessus, voilà, j'ai pris plaisir, j'ai eu ma petite larme à la fin. Moi j'en veux un Baymax. Oui, j'en veux. Ouais, voilà, tu vois. Mais c'est oui, ça. Désolé, mais. j'aime ça, moi. Ouais, non, mais c'est. Et je vous emmerde. Il n'y a pas de soucis, du coup, voilà. Donc je pense que, enfin, si t'avais quelque chose à rajouter, c'est une bonne facture, voilà. Okay. Et pour redire ce que j'ai dit sur Dragon, vous avez tort, j'ai raison, et ce film est génial. Et t'as pas vu La Princesse Cabouille, oui, là. Voilà. Voilà, c'est nous qui avons raison. Je déconne. Du coup, bon, on va prendre avec Morgan la DeLorean et on va aller jusqu'à Quentin. Pour parler de Kingsman, je vous propose le débat tout de suite, enfin le débat plutôt l'overhype du film dans cette partie, et on se retrouve juste après pour 2-3 films, voilà. Nous sommes cette fois-ci seulement avec Morgan et aussi Quentin qui nous a rejoint. Donc salut Quentin. Salut. Quentin, ça va Oui, ça va. Ok. Bon. On est là pour parler, bon, peut-être pas très sérieusement, de Kingsman, Service Secret, qui est sorti le 18 février 2015 en France, réalisé par Matthew Vaughn, avec Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Michael Caine, si vous voulez rajouter des personnes, Sofia Boutella aussi. Mark Strong, surtout. Ouais, Mark Strong. Et puis une petite apparition de Mark Hamill, voilà, ça m'a fait plaisir. Qui veut commencer à parler du film, parce que on a deux gros fanboys du film et un qui est un peu moins convaincu par le film, mais qui le trouve très sympa. Morgan, si tu veux commencer par parler du film. Oui. Alors avant d'être un film, ce Kingsman, c'est un comics de Mark Millar. Qui avait déjà écrit Kick-Ass, un comics précédemment adapté en 2010 par Matthew Vaughn. Donc on peut dire que Matthew Vaughn adore cet auteur. Donc en deux mots, qu'est-ce que raconte le film? Bah, Kingsman, c'est une organisation secrète britannique dirigée dans le film par Michael Caine, qui recherche, suite au décès d'un de leurs agents, un nouvel agent. Donc chaque grosse tête de cette unité d'espionnage va proposer un candidat, et parmi ces candidats on va retrouver Exy, qui est un jeune délinquant qui vit dans une banlieue londonienne où il passe ses soirées à sortir avec ses potes, à voler des voitures, il connaît bien aussi les commissariats, il passe son temps en garde à vue, etc. Donc, ce jeune Exy va être pris sous son aile par Colin Firth et être formé pour devenir un agent Kingsman et devoir empêcher de nuire un génie de l'informatique joué par Samuel L. Jackson. Voilà, en gros, les grosses lignes. D'accord. Du coup, si tu veux nous veux dire ce que tu en penses directement, ce que tu en as pensé. Après, oui, avoir vu combien de fois, s'il te plaît? Alors Kingsman, j'en suis à ma 10e fois, ça fait 10 fois que j'ai été voir le film, okay. Et je vais peut-être y aller 11e fois prochainement, peut-être demain. D'accord, donc on voilà. Peut dire que tu le connais. Je le connais un petit peu par cœur, oui, ouais. Il y a un plaisir de le revoir. Bah, pour moi, Kingsman, simplement, c'est un peu le chef-d'œuvre de ce début d'année, et un des chefs-d'œuvre de ma vie, voilà. C'est un des meilleurs films que j'ai vu, il est incontestablement dans mon top 50, parce que ce film, il m'a apporté tout ce que j'aime voir au cinéma. C'est-à-dire, quand j'ai vu le film, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime voir au cinéma? Eh bien, c'est ça. Et je dois dire que Matthew Vaughn est un cinéaste que j'adore. Déjà avec Kick-Ass, qui avait été une petite pépite. Lui aussi, je l'ai vu 11 fois au cinéma. mais également X-Men Le Commencement, qui est, je pense, objectivement le meilleur de la franchise. Je pense aussi. Je trouve que Matthew Vaughn, il a une patte esthétique, il arrive à apporter un second degré, en même temps une dimension dramatique, etc. Et Kingsman, c'est un peu la résultante de tout ce qu'il sait faire dans son cinéma. Il nous l'amène dans un film de 2 heures, un film complètement barré. Visuellement, c'est un film qui est juste dingue. C'est un film qui est généreux. Et ça, faut le souligner, parce que je trouve qu'aujourd'hui, les films ont tendance à être un petit peu radins. Ouais. Et là, en fait, Matthew Vaughn, il pense avant tout à notre plaisir à nous, et ça se ressent. C'est-à-dire qu'il ose même être parfois un peu excessif. C'est un film très rythmé, très dynamique, très trash, très subversif, tant au niveau des dialogues qu'au niveau du visuel. Ça peut d'ailleurs. Surtout dans sa dernière partie, oui, c'est flamboyant à ce moment-là, enfin, ça pète de partout. Et oui, c'est un film surtout avec un potentiel énorme au sujet du casting. Donc Taron Egerton, que je connaissais pas du tout, donc qui est un, voilà, c'est un peu le nouveau beau gosse d'Hollywood, j'ai envie de dire. Et je trouve qu'il tienne, voilà, un acteur avec un sacré potentiel. Il a du charme, il est drôle, il apporte, je trouve qu'il campe vraiment un personnage de qualité, alors que, voilà, moi, les héros au cinéma, en général, c'est pas les personnages qui m'intéressent le plus. Mais lui, il a quelque chose, parce qu'en même temps, le film, il ne fait pas que du second degré. Je le trouve en même temps très pertinent, parce qu'il pose beaucoup de questions sur les codes sociaux dans lesquels voilà, les personnages sont un peu bloqués. C'est un film aussi qui parle beaucoup du rapport à l'enfance, et là, où là tous les personnages sont vraiment concernés, je trouve. Même le méchant, donc qui est joué par Samuel L. Jackson. Quand on voit la, c'est un film qu'on pourrait prendre aussi comme un pastiche de James Bond, clairement. D'ailleurs, le film en parle énormément. Enfin, dans le film, il y a beaucoup de name dropping. Mm-hmm. Il y a beaucoup de scènes où on cite James Bond, où on cite, et voilà. Et mais en même temps, c'est un peu un James Bond pour les kids, et c'est totalement assumé. Mais en même temps, c'est un film qui parle du rapport à l'enfance, parce que tous les personnages ont une part enfantine en eux. Et ils nous sont présentés limite comme des grands enfants. Et c'est pour ça, je trouve que le second degré du film, il est totalement justifié. Je prends un exemple tout bête, la scène d'intro, la scène où on voit Samuel L. Jackson pour la première fois. On nous présente au premier abord derrière une porte en ombre. On se dit, ah, c'est une âme inquiétante. Et dès qu'il lève la tête, il sourit tel un enfant et il a un petit zozotement. Tel un petit enfant, voilà. Et je trouve que le film, chaque personnage, il y a un rapport à l'enfance qui s'installe et qui donne à ce film un côté nostalgique. C'est limite si Matthew Vaughn, voilà, Samuel Jackson le dit dans le film, c'est dommage que l'on ait grandi. Et en fait, tout le film est construit là-dessus. Et en même temps, c'est un film d'action, c'est un film qui est très généreux. C'est un film qui, moi, j'ai été assez ému. Je trouve, même si certains sont un peu plus dubitatifs sur l'émotion du film, moi je trouve qu'il y en a dès le début d'ailleurs. Le début est assez. Le manque de paternité, la figure paternelle, c'est un peu convenu dit comme ça. C'est vrai que sa figure paternelle, il va la retrouver dans le personnage de Colin Firth. Ouais, mais je trouve que c'est traité avec beaucoup de justesse, beaucoup de second degré, en même temps avec une patte de réalisateur que j'ai trouvé absolument démentielle, et la BO aussi. Ça, je m'y attendais, je savais déjà dans Kick-Ass que la BO était assez énorme. Là, je me dis, avec Kingsman, il faut des scènes de fight avec une BO qui envoie du lourd. Et c'est ce qu'il m'a donné. C'est un film qui pense vraiment à nous, c'est une overdose de générosité, c'est un film qui fait du bien, c'est un film qui est... pour moi, c'est une petite pépite, c'est un chef-d'œuvre. D'accord. Voilà. Ok. Quoi rajouter après ça? Quentin, tu veux parler du film? Je pense que très juste ce que Morgan a dit pour le film. Donc c'est vrai que c'est rare de voir un film aussi inspiré, surtout en ce moment, dans ce qu'on nous propose. C'est que le film joue de beaucoup. Après, j'ai peur de faire dans la rosie de ce que Morgan a dit, mais c'est vrai que mon avis rejoint assez le tien. Enfin, du coup, parce que ce que tu disais sur le rapport à l'enfance, etc. C'est vraiment assez juste comme remarque. Et dans tous les personnages, il y a cette naïveté en fait dans le film qui est vraiment sa force en fait, parce que le film est là, il vient comme ça, voilà, c'est pas le truc qu'on attend spécialement, et puis voilà, c'est parti, voilà, 2h09 de Kingsman, et c'est vraiment des meilleurs films que j'ai vu de ma vie, tout simplement. Des acteurs, des seconds rôles excellents aussi, donc il y a beaucoup de révélations dans le film, donc Sophia Boutella, voilà, Taron Egerton, Sophie Coxon, donc qui joue Roxy. Beaucoup de rôles, beaucoup de personnages, beaucoup d'acteurs qui sont tous réjouis. C'est certain que, comme Colin Firth, qui, je trouve, qui a bétiné un peu dans leur carrière dernièrement, donc avec par exemple Avant d'aller dormir, que j'avais trouvé totalement chiant, et donc Colin Firth jouait pas très très bien dedans. Là, je retrouve le Colin Firth de Single Man, de Bridget Jones, d'antan, et voilà, c'est toutes ces choses qui font gérer Colin Man. Ouais. Colin Firth, c'est clairement, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont jamais pensé à lui pour jouer un James Bond? Je l'avais jamais vu, mais je savais pas que c'était un acteur qui pouvait être en aussi grande forme physique, parce que son rôle, il est quand même assez physique. La scène de l'église, qui est peut-être la scène la plus connue du film, c'est quand même un exercice. On sent bien en plus que, puis on sent le plaisir, c'est un film où les acteurs se sont éclatés. Et même chaque scène, voilà, c'est le plaisir qu'ils ont eu à jouer, il est hyper communicatif, quoi. J'étais happé par le film, quoi. D'accord. Quentin, t'as quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement, donc allez le voir, D'accord, ok. Allez le revoir. Bon. Allez le revoir. Alors maintenant, ça va être un job assez difficile, qui est le mien. C'est-à-dire que, je sais pas, Morgan, est-ce que tu l'attendais ce film ou pas du tout? J'ai, je Moi, j'avais pas vu la bande-annonce. Je l'attendais, oui et non. J'ai du mal aujourd'hui à attendre un film. Je vais raconter ma vie, mais j'ai du mal à attendre un film parce que j'ai peur d'être déçu. Mm-hmm. Parce que je trouve que quand on attend un film, en général, l'attente est meilleure que le film en lui-même. Donc là, j'étais curieux. Je me suis dit, le casting est bon. J'avais peur de la redite de Kick-Ass. J'en parlerai sûrement après. Je pense que tu vas peut-être aller sur ce terrain-là, Axel. Je sais pas trop ton avis. Ouais. Mais non, je l'attendais pas spécialement, mais j'étais bien curieux. D'accord. Donc je l'attendais, mais peut-être pas autant que Quentin, parce qu'il avait quand même mis dans ses attentes de l'année 2015. Après avoir vu les réactions le film a produit autour de ma sphère d'amis, j'en suis devenu impatient. On m'avait promis le film de ma vie quand même. Le film d'action, le meilleur film d'action jamais tourné. Il s'agissait d'un chef-d'œuvre que personne ne remettait en question. Et ça, j'ai vu partout. Donc, qu'en fut-il vraiment ? Alors que je m'installais dans cette salle remplie de geeks surexcités, et j'en faisais partie, on peut dire que j'ai été pris dans la pub, et c'est jamais vraiment très bon. Donc, oui, c'est un très bon film, mais j'ai été assez déçu, car je m'attendais à tellement, vraiment plus en fait. En plus, la mauvaise idée que j'ai eue, c'est de regarder The Raid 2 2 jours avant d'y aller. Du coup, pour l'action et pour tout ça, c'est sûr que c'est pour un film américain, c'est super décomplexé. Mais par rapport à The Raid 2, c'est quand même un peu moins violent. Après, je veux pas comparer les deux films. Ça a rien à voir, mais c'est juste comme ça. Donc c'était my bad. Mais voilà, donc l'histoire est assez intéressante. Je l'ai trouvé, mais parfois téléphoné, c'est vrai qu'elle reprend quelques lignes narratives qu'on retrouvait dans Kick-Ass, qui pour moi... Même en termes de personnages, c'est vrai qu'on pourrait un petit peu comparer le côté badass de Gazelle à Eagle, même si objectivement, et je suis fan du film, et peut-être que je suis pas assez objectif, j'en sais rien, mais peut-être qu'Eagle est plus badass que Gazelle, et plus exploité surtout. Oui. C'est vrai que Gazelle, on peut pas dire que son rôle soit développé, mais après, voilà, il y a... Peut-être que je me suis trop laissé... je suis peut-être pas assez objectif, j'en sais rien. Moi j'aurais tellement voulu avoir votre enthousiasme à propos de ce film. Mais quand j'ai sorti. Tu t'es fait. Ouais, je me suis vraiment. Justement, nous on n'avait pas eu cet engouement-là autour. Il y a trop attendu justement pour le. Oui, c'est vrai que. Quand j'avais lu ta critique, Quentin, tu disais que c'était meilleur que certains Tarantino. Et je me suis dit, quand je suis allé voir Django, je prends un exemple, j'étais vraiment en train de trembler dans mon siège pendant la... Moi j'ai pris plus de plaisir dans Kingsman que dans Django. Là je me fais l'avocat du diable, effectivement je préfère Kingsman à Django, mais Tarantino dans ses grandes œuvres, c'est quand même meilleur que Kingsman, mais je pense que les deux films n'ont pas le même. Ils n'ont pas la même notion du divertissement. Oui, bien sûr. Kingsman se prend un peu plus au sérieux que Tarantino, je le trouve quand même. Ouais. Tarantino, je sens plus ce second degré, mais après, c'est vrai que si t'as été trop hypé, ça dépend quel Tarantino, quand même. Oui, ça dépend quel Tarantino, tu vas pas dire. Maintenant. Parce que Django, enfin, Django est quand même plus. Django, je le trouve plus sérieux que Kingsman. Oh, ça se discute. Je vais voir. Mais je trouve que Django, j'ai un truc tout con. Bon, on va pas faire un podcast sur Django, mais rien qu'à l'apparition du titre avec le Unchained avec le fouet derrière. Là, déjà, c'était assez. Non, donc, limite, ça se vaut. Je sais pas qui est le plus second degré, mais je trouve que ça se vaut dans la démarche. Donc voilà. Donc en fait moi je m'attendais vraiment à un film qui allait m'époustoufler sur tous les points. Les acteurs sont très bons, enfin moi je n'ai trouvé aucun problème, même si je l'ai vu en VF et c'est bon. La VF est assez bonne, mais voilà, je préfère toujours voir les films en VO. Du coup la réalisation est sympa et cool. La musique est vraiment. Moi je trouve que c'est un des meilleurs points du film. Ça démonte, comme tu as dit, Morgan et Quentin, ça démonte vraiment les codes des films d'espionnage classiques à certains moments. J'aurais peut-être voulu que ça aille un peu plus loin sur ce principe-là, parce qu'on on parle 2-3 fois de James Bond. On parle pas de... Enfin, bien sûr, on parle 2-3 fois de James Bond. Bah, justement, c'était assez attendu quand même. Ouais. Enfin, ça démonte les codes, mais ça part sur... Ça part sur autre chose, donc c'est ça qui est bien. Mais moi, je me sens... Franchement, je m'attendais juste à une parodie d'espionnage. Là, justement, c'est parti sur autre chose. Tu t'attendais à un genre de scary movie... de James Bond, quoi, un truc comme ça. Voilà, un peu ça, ouais. Bon, sachant que c'était Matthew Vaughn, ouais, donc c'est quand même à quelque chose d'assez assez dingue, mais ouais. Quelque part, voilà, on aurait, enfin, avec ce qui était vendu, on aurait pu s'attendre à ça, ouais. Donc, après, si je peux me permettre, au-delà des codes narratifs de James Bond, il reprend même des codes, on va dire, visuels, même sur des plans, la façon dont les personnages ont. Tu prends un exemple, le personnage de Lancelot, ouais. Au début dans le château, là, il y a un plan sur lui, c'est clairement ironie à 1000%, ouais. C'est une pastiche de James Bond, c'est peut-être un peu grossier, ouais, il a genoux. Oui, il est à genoux, la main relevée, avec un petit sourire en coin, voilà. Le pistolet. Ouais. Tout ça, je trouve que c'est un pastiche, mais après, je peux comprendre que ça touche pas. Ouais. Bah, le truc, c'est que déjà, je suis pas. Enfin, j'ai vu 2-3 James Bond dans ma vie, je suis pas vraiment un très grand fan de James Bond. Donc, moi non plus. Le truc, c'est que les films d'espionnage, souvent, ça me fait chier, sauf Austin Powers, qui, enfin, pour moi, c'est le film comique d'espionnage par excellence. mais à part ça, même si c'est complètement con, hein, j'assume, hein, c'est pas. Austin Powers, c'est très bien. Enfin, j'aime pas le 1, le 2, mais le 3 est exceptionnel. Le 3, il est génial. Ils sont vraiment. Moi, je les trouve tous sympas. Et puis, bon, on n'est pas là pour parler de Austin Powers, mais. Du coup, j'ai trouvé que les scènes de bagarre étaient vraiment violentes et cool. Ça va vraiment dans la coolitude de la violence, dans le déchaînement de la violence, en fait. Donc moi ça m'a bien plu cet effet, mais j'en ai eu marre à un moment de l'effet accéléré au bout d'un moment, oui. En fait oui. L'effet accéléré dans les scènes de combat ça m'a donné des fois mal à la tête. La première fois que j'ai vu ça, j'ai vu le film qu'une fois, mais la première fois que j'ai vu la première scène de combat, je sais plus où ça se passe, mais j'ai trouvé ça vraiment une super bonne idée de mise en scène, en fait. Je me suis dit, ah, c'est cool, il essaye de nouveaux trucs. Et puis quand on en a rebouffé 2-3 fois, j'en avais un petit peu marre, en fait. Je trouvais ça original au début, mais je trouvais que c'était un peu trop... enfin, ça m'a donné un peu mal à la tête au bout d'un moment, quand c'était trop répété. Hein. Donc après, c'est que un ressenti personnel. Hein, c'est pas. Je peux comprendre que certaines personnes puissent adorer ce genre de mise en scène, il n'y a pas de souci. La meilleure scène, d'ailleurs, c'est celle de l'église, pour moi. Même si, enfin, moi j'ai vraiment adoré ce passage, même si c'est complètement tragique, hein, mais c'est pas grave, c'est juste excellent. Oui, voilà, oui, c'est tragique dans le fond, mais après, c'est complètement second degré. C'est complètement second degré, donc voilà. En même temps, oui, c'est un peu le syndrome de catharsis, c'est un peu, ça fait du bien, quoi, de voir que toutes ces personnes, c'est haineux, ce qui fait partie de mais. Cette scène, on en sort sonné et on se. Enfin, je sais pas si on peut spoiler, mais quelque part, on en sort sonné et pour se prendre une claque en sortant de. Enfin, on sort par la fin de cette scène. Enfin, on a l'impression d'être à la place de Colin Firth, en fait. C'est ça le truc, et de se faire. Enfin, bref, voilà. Mais. Oui, puis quand c'est la première fois qu'on voit le film, il y a une explication par rapport à cette scène que je n'avais pas compris au premier visionnage. Et bah ensuite, voilà, je me disais, mais pourquoi tu fais ça. Et justement, quand on dit, parce que je sais qu'il y a. Des critiques qui ont dit que la violence dans ce film-là n'était pas justifiée, si elle l'est, c'est peut-être par un détail scénaristique totalement what the fuck, mais elle est quand même justifiée. Régresse. Bon, c'est pas grave, si vous avez quelque chose à dire en plus, parce que moi je pense que j'ai dit à peu près tout. Peut-être à part, j'ai trouvé le film, alors pourtant je suis rarement dérangé par ce genre de truc, mais la fin... la fin avec la princesse, j'en dirai pas plus. Tout le passage, en fait, avec la princesse, j'ai trouvé ça un peu vulgaire. Mais alors, pourtant, le pire, c'est que ce genre de truc, ça me, moi, il n'y a aucun problème avec ça. dans certains films, dans Tarantino, dans tout ce que tu veux. Mais là, je sais pas, j'ai trouvé ça, la manière d'enchaîner ça, c'était un peu... Ouais, non, c'est vrai. Mais non, c'est vrai. Que c'est pas parce que tu... Parce que je pense que dans ta salle, Axel, il y avait aussi pas mal d'enfants. Parce que moi, c'est un... Enfin, même ouais. si c'est un avertissement, il ouais. y a pas mal d'enfants. Et c'est vrai que, oui, il y a un côté un petit peu... oui, enfin, voilà, quoi. c'est quand même pas... Mais c'est, on va dire, parce que moi, je me fais un peu l'avocat du diable, parce que je trouve, par exemple, que Kick-Ass est plus violent, parce que Kick-Ass, ouais. je trouvais plus, en termes de plan, sur, par exemple, une scène dans Kick-Ass où Hit-Girl ouais. saccage un gang dans un appartement, on voit les jambes découpées, ouais. etc. Ouais. Là, c'est quand même, vu que tu le disais, Axel, comme c'est assez accéléré, etc., il n'y a pas forcément d'hémoglobine, ouais. on n'a pas forcément... Ouais. C'est plus violent visuellement, mais mm-hmm. dans le côté un peu virulent, parce que ça va vite, c'est très rythmé, c'est surdynamisé, ouais. etc., mm-hmm. mais c'est pas sanguin, en fait. Kika, je trouvais plus violent, alors que celui-là est plus... Voilà, c'est pas... Ouais. Mais... Je trouve pas non plus barbare, quoi. Ouais, c'est bien juste... sûr. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire à propos du film. J'ai bien aimé le film, mais je préfère quand même Kick-Ass. C'est personnel, c'est parce que j'ai lu la BD sûrement avant et que j'ai jamais déjà la BD. Donc, et puis les films d'espionnage, ça me touche pas vraiment. Donc voilà, c'est tout ça n'est que des raisons personnelles, mais je peux que vous conseiller d'aller voir le film pour vous faire un avis vous-même. Déjà. Et puis ben voilà, si vous avez quelque chose à rajouter, je sais pas si... Parce que... Je pense que c'est quand même... Ah oui, non, vas-y. Non, vas-y, c'est bon, vas-y. Ouais, non, c'est intéressant d'avoir un avis un peu plus nuancé sur le film, c'est sûr, parce que, enfin, après, voilà, justement, on peut peut-être survendre le film, c'est possible, parce que nous, on a été totalement envoûtés par le truc, ouais. donc c'est pour ça, ouais. mais c'est vrai que tu remets le film dans son contexte, c'est vrai que, enfin, quelque part, c'est ce que le film vaut, enfin, voilà, c'est ça. Mais moi, c'est vraiment, après, c'est aussi d'un point de vue personnel, enfin, c'est oui, vraiment un film qui m'a touché pour des raisons au-delà du fait que ce soit un peu... Ouais, voilà, mais par exemple, toi, tu n'as pas été peut-être autant touché par Django que moi, je l'ai été, tu vois, pour parler de Django, c'est des choses comme ça. C'est vraiment personnel, ce genre de film, moi, je pense. Oui, puis après, si vraiment, on peut faire un petit lien avec Django, peut-être que cinématographiquement parlant, il y avait peut-être plus de choses dans Django, parce que Django, c'était un petit peu le film rêvé. Je ne sais pas si c'était le film que je rêvais que Matthew Vaughn fasse, qu'il fasse, mais en même temps, j'ai aimé le voir dans cet exercice-là, parce que je trouve qu'il sait faire, il sait mettre ça en scène, et j'attends le 2 avec impatience. Oui, de toute façon, moi, j'irai voir le 2, parce que j'ai quand même bien aimé le film, mais c'est juste que j'ai pas... Oui, c'est... Oui. Voilà. C'est tout. En même temps, oui, c'est vrai, quand tu lis chef-d'œuvre, j'irai voir le 2, c'est Matthew Vaughn. Oui, moi aussi, j'irai voir le 2, c'est Matthew Vaughn. S'ils nous refont le coup de Kick-Ass et qu'ils nous sortent un réalisateur carton comme il fait, non, je brûle mon cinéma. Là. Ouais, s'ils mettent Jim Carrey dans Kingsman. Jim Carrey dans Kingsman, pourquoi pas, faites-vous. Ouais, il y a trop de violence. Il y a trop de violence dans Kingsman 2. Qu'est-ce que tu fous là? Moi j'ai un conseil, c'est totalement con ce que je vais dire, mais je vous le conseille quand même. Ceux qui n'ont pas vu Kingsman, mangez avant de voir le film, vous comprendrez pourquoi. Parce qu'il y a une scène du film où vous risquez d'avoir faim. Oui, je confirme. Bon, ben voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur le film. On vous le conseille d'aller le voir, mais. Si vous allez le voir, n'espérez pas le meilleur film de tous les temps. Allez le voir comme un simple film. Et je pense que vous passerez un bon moment. Voilà. Merci Quentin d'être passé pour parler de Kingsman. De rien. Avec Morgane, on va reprendre la DeLorean pour rejoindre Eddie dans le passé. Parce que je voulais continuer dans cette démarche, tu vois. J'y ai pensé aussi. Du coup, donc on retrouve Eddie et salut Quentin, à plus. We'll be right back. On est de retour après cette partie avec Quentin. Vous êtes donc revenu du 6 mars 2015. On est de retour le 3 en fait. Ouais, on est le 3, okay. Ouais. Ouais, je peux te dire que le 6 mars, ce sera une journée bien pourrie, je vous le garantis. Du coup, là, on a décidé de parler de Birdman d'abord. Qui veut aller en premier si tu veux en parler, Eddie, d'abord. Morgan, vas-y. C'est tout en moi qui parle en Morgan, premier. Ouais. Ouais, ouais, pardon, désolé. Ah ouais, surtout, pas... vous me donnez pas le film le plus facile, quand même. Ouais. Non, attends, c'est bon, je le présente vite, le film, pendant que tu te prépares. Donc, Birdman, ou la surprenante vertu de l'ignorance, est une... c'est produit, écrit et réalisé par Alejandro González Iñárritu. Vous avez vu cet accent. Sorti en 2014 aux États-Unis et en 2015 en France. Il a comme acteur principal Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Andrea Riseborough, Zach Galifianakis, j'arrive jamais à prononcer son nom, Naomi Watts, Amy Ryan et Merritt Weaver. Du coup, vas-y Morgane, je t'en prie, si t'as eu le temps de te préparer, sinon on peut en parler. Mais... Je vais y aller à l'impro. Vas-y. Birdman fait partie à ce jour des plus grands films que j'ai vus cette année, même si l'année vient que de commencer. C'est un des films les plus dingues que j'ai vus au cinéma tout court. Alors, attends. Je t'arrête là tout de suite. On va parler de réalité après. Donc, c'est bon. Ah, c'est vrai. Non, mais je préfère Birdman quand même. J'avais un petit peu peur par rapport à Birdman parce que c'est vrai que j'avais peur que le film soit juste un simple exercice de style. Une belle machine à Oscar. Il faut rappeler un peu le truc. Le film est filmé en un unique plan séquence. Bon, il y a quand même. Parfois, le réalisateur arrive à. C'est pas un unique plan séquence. C'est un plan séquence, mais on voit. Bref. Et c'est vrai que j'avais un petit peu peur d'être prisonnier, de trouver ça juste que ce soit une belle démonstration technique, mais qu'il n'y a rien d'autre derrière. Et au final, non. Ouais. C'est un grand film sur l'art. C'est un film qui m'a bluffé, parce que même en termes. C'est pas qu'en termes de réalisation que c'est virtuose, parce que franchement, c'est un film qui. On est happé par le film, quoi, pendant deux heures, sans. Je n'ai pas décroché mon regard, mais d'une microseconde. Et c'est surtout un film qui est écrit, mais c'est pertinent, c'est drôle, c'est cynique, comme je l'avais dit dans un tweet, c'est cynique avec les cyniques, c'est critique envers les critiques, c'est une réflexion sur le cinéma, sur le métier d'acteur, d'ailleurs, sur l'art en général, sur la célébrité, sur ce qu'on fait de sa célébrité, sur qu'est-ce qu'on devient. Sur la paternité, oui. Oui, c'est un film qui est une richesse. Oui, là, oui, d'ailleurs, il y a une super scène avec. Et c'est très drôle, oui, comme tu dis. Ouais. Ben, en fait, ça tient à cœur à Iñárritu, cette paternité, parce qu'on retrouvait d'ailleurs, petite promo en passant, on trouvait dans son film précédent, Beautiful, vraiment une belle performance de Javier Bardem. Ouais, de Javier Bardem, sur la façon d'être père et en même temps d'être un fils, c'est vraiment un truc qui lui tient à cœur à Iñárritu, et là il le prouve encore avec cette scène avec Emma Stone, hein, qui est qui prend en trip, et je te laisse continuer Morgane, mais je voulais rajouter ça parce que c'était. Alors si tu veux citer aussi un bon film d'Iñárritu, faut citer 21 grammes, qui est exceptionnel. Que je n'ai pas vu. Moi, c'est un des films les plus déprimants que j'ai vu dans ma vie, mais honnêtement, c'est un film qui est extrêmement fort. Et Birdman, c'est aussi le retour de Michael Keaton. Ouais, de Julien Lepers. Non. D'ailleurs, on parlait des Oscars, l'Oscar du directeur. Non, mais ça c'est honteux. Mais ça, c'est encore honteux. Hein. C'est juste pas possible. Hein. Quand j'ai appris ça, j'avais pas vu le film. Birdman, donc je pouvais pas dire ce que je pensais, mais maintenant que j'ai vu le film Birdman, je peux dire que c'est vraiment honteux à tous les points. Ouais, mais celui qui a gagné l'Oscar, il s'appelle Eddie, alors. Ouais, d'accord. Mais bon, entre sa performance dans Justice, hey, c'est sa sûr. Putain. Dans... Il aurait dû avoir comme ça. Il aurait dû avoir un Razzie Award Eddie Redmayne pour Jupiter. Donc non, Michael Keaton, honteux, il aurait dû être primé déjà parce que l'acteur est énorme exceptionnel dans ce film. C'est un des... enfin, je pense qu'on tient une des performances de l'année très clairement, et c'est surtout son retour. Ouais, ça ouais. fait vraiment plaisir de le revoir, parce que j'avais quand même oublié que c'était un acteur exceptionnel, quoi. Ben, c'est un des meilleurs acteurs qu'il y a à Hollywood en ce moment, et il est énormément boudé. Hein, et enfin, ce que Quentin avait rappelé très justement, c'est qu'il avait joué dans le dernier Need for Speed. Enfin voilà, ah c'est, bon c'est vraiment qu'il est. Ouais, mais dans, il est dans les raclures de tiroirs d'Hollywood. Oh, donc, c'est. Enfin voilà, et c'est vraiment dommage parce que c'est, le film a été écrit pour lui et personne d'autre n'aurait pu jouer ce rôle. Aussi bien que lui, à mon avis, qui puisse se dédier comme ça à ce film et avec toute son énergie et tout. Enfin, c'est vraiment un film quasiment biographique. J'y pensais aussi parce que Birdman, évidemment, moi je pense à Batman, quoi. C'est, oui, c'est... Et puis voilà, enfin même le titre Birdman et ouais. Birdman, un B et ça finit, voilà. Enfin ouais. tu vois, c'est, il y a vraiment, il y a, ouais. c'est... bon, il y a, moi c'est pour ça que le film me touche en fait surtout. C'est ce qui m'a vraiment touché, ouais. mais c'est tout con hein, parce que c'est vraiment le constat qu'on peut en faire tout de suite. Dire quand tu connais, quand tu sais qui a joué dans les Batman de Burton et que tu regardes Birdman, ouais. évidemment tu penses à ça, ça paraît logique. Et dit comme ouais. ça, oui bah oui, le film il te touche parce que ça, mais oui, mais c'est parce que c'est voulu comme ça. Ouais. Et c'est ce qui le rend beau aussi, je trouve. Il y a une vraie virtuosité là-dedans. Tout ce côté miroir. Enfin après je développerai plus ouais. là-dessus, mais moi franchement. Ouais. C'était, ça aurait pu être hyper casse-gueule en fait, ça. Je pense. Oui, ça aurait pu être un film limite thérapeutique pour Michael Keaton. Le film aurait même pu s'appeler Michael par Keaton. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout que ce que j'ai adoré dans ce film-là, c'est que Iñárritu, il arrive à être. Quand il parle des acteurs, il nous prend un exemple concret, forcément, on pense à Michael Keaton, mais aussi que c'est. C'est des thématiques qui peuvent être tellement universelles, quoi, parce qu'on se dit que chaque acteur est concerné, parce qu'en plus il y a du name dropping aussi. Ouais. On cite Robert Downey Jr. et tout, on cite. Il y a beaucoup. Enfin, le film fait beaucoup de ça. Ryan Gosling, oui, et c'est un film. Donc, parfois c'est cynique, parfois même un peu pessimiste, parce que ça donne, c'est un film qui casse un peu le rêve. Ouais. Mais en même temps, je le trouve. Ouais, mais c'est réaliste. Bon, je connais pas non plus en termes d'acteur, mais enfin, voilà, ça a l'air d'être assez réaliste quand même. Du monde du cinéma américain aujourd'hui. Enfin, ouais, et puis même du monde du cinéma tout court. Hein. Oui, je pense que c'est assez réaliste. Enfin, du monde de l'actorat en ouais. général, quoi. Ouais. Je pense que oui, oui, le constat est, pour moi, le constat est pas faussé, hein, de toute façon. Il y a, ouais. bon, c'est évidemment assez, il y a un côté assez burlesque aussi, mais je pense que les grandes lignes, oui, c'est ça, et que et qu'il y a des critiques qui démolissent comme ça par pure volonté de démolir, ouais. je pense aussi. Ça, j'en suis persuadé. J'ai eu des gros débats là-dessus, ouais. mais ça, j'en suis persuadé. Oui, oui. Ouais, mais ça, c'est. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que ceux qui sont le plus médiatisés. Je pense aussi que le Iñárritu règle, c'est parce que lui aussi, il a eu des gros problèmes avec les critiques, Iñárritu. Hein. Je pense que ça lui permet un peu de régler ses comptes. Donc, il se défoule un peu et il nous sert à un film, mais qui est juste. J'ai vu le film et j'étais vraiment respect, quoi. Mais c'est incroyable. Ouais. Déjà techniquement. Moi je m'attendais pas à ça en fait. Déjà le film je l'attendais depuis plus d'un an, depuis qu'il a été annoncé j'étais à fond dedans, parce que déjà il y avait Michael Keaton, et en plus vu la bande annonce après, que je me suis repassé 150 fois, c'était vraiment c'est la bande annonce que j'ai vue le plus de fois, même devant Star Wars, hein, donc pour le dire, Star Wars 7, donc, voilà, et donc je l'attendais énormément. Et il m'a pas déçu, pour moi, je développerai peut-être plus après, mais il manque un petit effet waouh, un petit truc qui me fasse dire ah, ce film c'est un chef-d'œuvre, il faut absolument que j'aille le revoir, et c'est un des meilleurs films de l'année. C'est clairement un très très bon film, avec toutes ces qualités qu'on a déjà énoncées. Il y a toutes les critiques qui dit sur les critiques de cinéma et de théâtre, sur le monde de l'actorat en général. Et moi j'ai vraiment bien aimé le film. D'ailleurs j'étais tout seul dans la salle, alors ça c'était exceptionnel, j'ai pu rigoler aussi fort que je voulais. Ça vous a pas un peu mis mal à l'aise justement tout ce truc sur la critique? Pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'on est. Parce que c'est vrai que bah justement on écrit. Alors mais je pense que ça met mal à l'aise, ouais, dans le bon sens aussi. Ça te pousse aussi à réfléchir. Ouais. Par rapport à ce que tu peux dire et tout, ouais, bon, même si c'est que on fait que de l'amateurisme, mais le truc c'est que enfin moi ça je pense pas être touché directement par le truc parce que je parle enfin ouais si on peut tous être touché par la critique justement comme on fait tous de la critique écrite ou audio. Mais je me suis pas senti tout... bon après c'est peut-être un deuxième visionnage qui me fera dire le contraire, mais au premier visionnage, je ne me suis pas vraiment senti touché parce que je sens plus que c'est pas une critique des blogueurs en général. Ah non, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est de l'action, ouais, critique en fait, en général. Ouais, ouais, c'est plutôt de la critique médiatisée en fait, dans les journaux, à la télévision, à la radio, etc. Oui, c'est vrai. Oui. Bien que c'est vrai que le personnage de Michael Keaton déteste toute forme de réseaux sociaux et tout ça, mais après, ça lui rend quand même bien la mise puisque c'est grâce à ça qu'il se retrouve avec son théâtre plein. Entre autres d'ailleurs voilà donc Morgan je sais pas si t'avais quelque chose d'autre à dire sur le film. Non, pas que je sache, non. C'est assez compliqué de parler de ce film là c'est vrai que c'est un film qui demande énormément d'analyse et moi il se trouve que quand j'étais devant ce film là j'étais plutôt dans le ressenti, j'étais tellement fasciné par l'aspect technique du truc que j'en ai un petit peu oublié Moi, des fois, je loupais des dialogues parce que je me disais putain, mais comment ils ont fait ça ? Exactement, pareil. Je cherchais le détail. Pratiquement chaque séquence m'ont quand même mis par terre d'admiration. Je pense à la séquence, on va dire, d'action du film, qui est juste d'une dinguerie absolue. En plein milieu du film, il y a 20 minutes où c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade et tu te dis qu'ils ont été obligés de tourner pratiquement le film 3 fois je crois pour que ça soit millimétré et qu'il y a plein de décors qui se ressemblent pour que justement ça reste cohérent, enfin c'est vraiment un travail d'orfèvre en fait. Et puis la caméra, mais elle bouge pas je veux dire c'est pas un caméra à l'épaule, c'est pas un ressenti caméra à l'épaule, non c'est vraiment la Steadicam. Ouais, c'est la Steadicam, mais c'est vraiment super puissant. Moi, je supporte pas ces caméras à l'épaule souvent, mais bon, des fois. C'est ouais, genre Aronofsky dans Black Swan. Après Black Swan, je peux pas en dire du mal. Donc, non, mais moi non plus, mais c'est beaucoup filmé à l'épaule, Black Swan. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai trouvé ça super impressionnant. Bon, je m'amusais. Le truc, c'est que je loupais des dialogues parce que déjà, j'étais impressionné par l'exploit technique. Mais en plus, je m'amusais à compter là où il avait coupé, là où il avait dû reprendre. À chaque fois, ouais, je le faisais aussi. Mais je pense que je les ai quasiment tous vus. Mais il y a plein de trucs qui, à mon avis, ont été tellement bien millimétrés, tellement bien prévus à l'avance qu'on n'a pas vu passer, quoi. Mais enfin, voilà. Parler rapidement de, parce que ça m'a touché vraiment, le montage son, le mixage son et la musique aussi. C'est bizarre qu'il n'a rien reçu pour le son. Hein. Ouais, alors bon, c'est 8 plages qu'il a reçu pour le son. Donc, oui, en même temps, ça paraissait pas me plaindre. Mais là, c'est vraiment super impressionnant parce que c'est une musique uniquement fait à la batterie, quasiment fait à la batterie, ouais, de percus. D'ailleurs, c'est juste génial le moment où on se rend compte que la musique est à l'intérieur. Oui. C'est vraiment le mec qui joue ça. Mais ça, c'est juste. Mais ça m'a pris. Je me suis dit, mais comment ils ont fait ça, quoi. Et donne envie de leur voir. Je l'ai vu ce matin. Donc, je suis encore en plein dans le film. Dans une salle vide en plus, quand même. Donc ça c'était vraiment. Et puis, bon, on n'a pas parlé vraiment de. Bon, je vais déjà reprendre au niveau son parce que là je suis en train de m'emballer sur le film. Au niveau son, c'est vraiment super précis. À un moment, comme j'étais tout seul dans la salle, je me suis levé, bon, sans toucher sans quitter les yeux de l'écran, mais j'ai été un peu à toutes les places du cinéma et j'ai écouté un peu sur toutes les enceintes et je me suis rendu compte à quel point c'était précis le niveau de mixage sonore. Chaque enceinte avait une petite percue qui était différente de la suivante, mais voilà, mais c'était vraiment super super cool de voir ça. enfin d'écouter ça. Oui, ça, ça doit être vachement intéressant quand tu quand t'as l'oreille pour. Ouais. Mais du coup, je sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave. L'aspect comique du film aussi, c'est enfin moi j'ai rigolé pas pendant tout le film parce que c'est quand même un peu dramatique. Ah oui, il y a des moments. Mais il y a des moments j'avais. Ouais. C'est qui tonne quoi. Il y a un côté un petit peu, on sent que le gars avait des choses à dire. Il se sert. C'est je sais même plus le nom de son personnage dans le film, mais je, pour moi c'est Keaton qui joue. Hein. Regan Thompson. Oui voilà, mais pour moi c'est pas Regan, c'est Keaton. Ouais, c'est Keaton. Ouais. Et puis enfin chaque acteur, moi je pense, sauf Emma Stone parce qu'elle jouait un rôle d'actrice. Mais par exemple Edward Norton, je me suis dit, c'est pas Mike Sheener comme je vois, c'est Edward Norton. Oui. Enfin le film m'a beaucoup touché, mais pour moi il faut vraiment que je le revoie pour être sûr de ce que j'ai pensé du film, parce que je suis pas encore décidé à 100% sur mon avis sur le film. Donc voilà. Eddie, vas-y, je t'en prie si tu veux rajouter quelque chose. Moi ça va être plus court, mais je dirais voilà que c'est vraiment un film qui m'a beaucoup touché par rapport à beaucoup de choses que vous avez évoquées du coup. Tout ce parallèle sur le métier d'acteur, sur beaucoup sur la célébrité, ça m'a frappé quand même. Ouais. Et puis oui, puis le côté le fait que ça soit justement Michael Keaton. Voilà, c'est, je veux dire, jouer, de passer de Batman à animer des émissions sur France 3, c'est quand même. On va jamais finir avec ce Julien Lepers. Non, mais c'est perturbant, il se ressemble trop. Non, sans déconner. C'est vrai que c'est tellement. Il y a tellement ce reflet-là, quoi. Du mec qui a joué un super-héros et qui aujourd'hui, ben voilà, c'est limite s'il y en a qui se souviendraient de lui, quoi. Donc ça, moi, ça m'a touché. Puis après, évidemment, toute la partie technique, bon, bah là, c'est du régal pour les yeux. Les trucages, par exemple. Et pour les oreilles. Les trucages, les effets spéciaux sont juste... Toute la scène, là, c'est d'un onirisme absolu, quoi. La scène de vol et tout ça... il y a vraiment... et tu te dis, puis tout ça... En fait, le film est impressionnant quand tu le vois, mais alors quand tu y repenses et que tu imagines tout le travail qu'il y a derrière, tu te dis, il y a quand même des réalisateurs qui ont une folie douce et qui savent la mettre en pratique. Et c'est des dingues, quoi. T'as des réalisateurs, ce sont des dingues quand même pour arriver à nous pondre des trucs comme ça. Faut vraiment aller chercher son Oscar du meilleur réalisateur clairement hein. Et c'est vrai que j'ai vu le film après qu'il ait reçu son Oscar mais ça m'a pas influencé parce que de toute façon je savais que je le verrais pour le podcast et d'ailleurs je n'attendais pas spécialement grand chose moi de Birdman et au final ça a été une très bonne surprise. Moi j'en attendais peut-être trop en fait, c'est peut-être ça. Et j'étais content aussi sur un autre point que vous n'avez pas forcément évoqué par contre, c'est je suis content de voir que c'est un film qui fonctionne auprès du public, alors que on est quand même vas-y. Ouais, ça c'est le quotient Oscar. Il serait passé inaperçu sans tous ces Oscars. Je suis quasiment sûr. Moi je suis content qu'il ait reçu un Oscar aussi par rapport à ça, parce que c'est un film sensoriel, et souvent le cinéma sensoriel est beaucoup décrié ou incompris. Et comme j'ai mis dans ma critique, c'est vrai que on parle beaucoup de Gravity, quand même un film assez sensoriel aussi. Et on critique le scénario de Gravity qui est jugé trop simpliste, alors qu'il pareil, il y a des sous-textes intéressants dans le film. Et qui sont pas forcément perceptibles comme ça si on s'arrête juste à sa première impression. Je pense à des films complètement différents. j'ai encore cité Tree of Life de Terrence Malick, mais c'est un film qui n'a pas été forcément très compris parce qu'il est dur à aborder, mais tu vois, c'est ce que je veux dire en fait, c'est que le cinéma sensoriel est parfois perçu d'un mauvais œil par beaucoup. Ouais. Et voilà, j'espère que Birdman avec son Oscar va amener les foules dans les salles pour voir ce film là et que les gens finissent par peut-être comprendre aussi et peut-être apprécier, même ce serait super, que le cinéma, ça s'exprime pas seulement avec des scènes pleines d'émotions et des rôles écrits d'action, pour les performances et tout ça, et que ça peut aussi passer justement par de la mise en scène, par de simples images, des sons et des dialogues, parce qu'on a des dialogues vraiment, c'est très savoureux quand même dans le film, on a des passages, après vous pouvez aller relire la critique que j'ai fait sur le site, où j'ai mis toute une partie d'un dialogue de Emma Stone, et voilà, et c'est tellement bien écrit, c'est tellement fluide, pour moi le film ça a vraiment été un régal de chaque instant, quoi. Et je suis vraiment très content d'avoir pu le voir. Et je le conseille parce que c'est un film qui mérite franchement le détour, qui propose plein de choses, et puis voilà, puis après c'est pareil, il y a un bon casting aussi qui c'est vrai que il y a pas un acteur qui est plus en dessous que les autres, chacun a son moment, c'est Andrea Riseborough qui a quand même peut-être le rôle le moins important, mais elle a aussi son moment à elle, et voilà, tu sens que Iñárritu, moi je connaissais pas le cinéma d'Iñárritu, et tu sens que c'est quelqu'un qui a vraiment un amour pour ce qu'il fait, et ça se sent, quoi, derrière la caméra, et donc voilà, moi j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé et je le conseille fortement. Birdman, c'est magnifique, c'est vraiment, je pense que c'est magnifique. D'accord, ouais, si personne n'a rien à dire. Moi, juste que ça m'a fait plaisir de revoir Naomi Watts dans seulement un bon rôle, et surtout, quand je l'ai vue, je me suis dit, elle sert quelque chose, elle sert à quelque chose, parce que je trouve que depuis la dernière année, on lui donne pas forcément des rôles très bons et des films très bons, et là, elle est géniale, quoi. Et Emma Stone, quand même. Que moi je trouve elle est impressionnante, et puis elle est impressionnante dans son jeu, mais aussi dans elle a un visage tellement tellement expressif, enfin tout passe par les yeux, c'est une super actrice, et franchement j'espère que je lui souhaite vraiment une belle carrière parce qu'elle le mérite, et c'est peut-être pas plus mal en fait que les Spider-Man se soient fait racheter là, ça va peut-être lui permettre de jouer autre chose aussi. Parce qu'elle mérite de faire. Faut pas dire ça, Quentin. Non, je sais, hein. mais il est pas là, Quentin. Donc j'en profite. Je suis désolé, Quentin. Mais elle mérite, quoi. Elle mérite de faire autre chose parce que cette fille, elle a un charisme de fou, quoi. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, lisez la critique d'Eddie sur Birdman. Et ma critique qui arrivera dans quelques jours. De toute façon, quand le podcast sera sorti, elle sera sortie. Donc voilà. Si vous voulez plus des détails sur le film. Et puis Morgane, je ne sais pas si tu en as fait une ou pas. Si t'en feras. Non, c'est mon ancien collègue qui en avait fait une qui était plus mitigée. Oui. D'accord, oui. Donc voilà, on va parler du dernier film de nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Et c'est mon coup de cœur du mois de février. C'est pas Birdman, bizarrement, même s'il reste dans mon cœur. C'est Réalité, le nouveau film de Quentin Dupieux. On va en parler juste Morgane et moi, puisque tu n'as pas vu le film, Eddie. Réalité, le nouveau film de Quentin Dupieux. Donc, ceux qui ne connaissent pas Quentin Dupieux ou son cinéma. C'est assez original, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, et je vous conseille vraiment de vous plonger plus dans son univers, même si à première vue ça peut paraître barré, mais c'est pas barré pour juste être barré en fait. Il y a plein de sujets abordés dans ces films qui sont super intéressants et qui méritent le détour. Donc Réalité, son dernier film qui est pour une fois français, avec des acteurs français qui parlent en français, parce que souvent, dans Rubber, dans Wrong et dans Wrong Cops, c'était des Américains et même des acteurs français qui parlaient anglais, mais cette fois-ci il y a Alain Chabat, Jonathan Lambert, l'autre nana, je sais plus maintenant son nom, voilà. Elodie Boucher. Elodie Boucher, voilà. Morgane, si tu veux rapidement dire quelque chose sur le film, parce qu'on va pas s'éterniser non plus. Non, moi c'était mon premier Quentin Dupieux. J'étais un petit peu réticent avant de le voir aussi, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, on sent bien, rien qu'à l'affiche déjà, qui est juste exceptionnel, qui m'a donné envie de le voir. C'est pas un cinéma commun, surtout dans le décor français. Moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'ils sortent à la période des Oscars. c'est magnifique. Hein, comme... C'est un film, maintenant, j'ai eu un petit choc en le voyant. Pendant et après, parce qu'après, en sortant de la séance, j'étais incapable dire si j'avais aimé ou pas. Incapable. Non seulement, fallait pas me faire une interro sur le film, parce que, même là encore, hein, je n'ai pas tout compris. Je pense que je suis pas le seul. Ouais. Ça m'a fait un peu penser à ce que j'avais ressenti avec Holy Motors de Lewis Carax en 2012. Je suis sorti de la salle en me disant j'ai rien compris, mais j'ai adoré. Et là, c'est un peu pareil. Mmh. C'est un film, mais qui est d'une. Et je trouvais ça d'une... à la fois précis, dans... parce que je sens. C'est pas barré. C'est un film qui est très. Non. On sent bien que Dupuis a quelque chose à raconter, même si j'ai pas tout cerné. Et c'est aussi une prouesse d'acteur, là aussi. Mais pas Alain Chabat, mais Jonathan Lambert. Je l'ai trouvé vraiment incroyable. Mais c'est un film qui m'a transporté. C'est un film qui m'a fait peur. J'ai vraiment eu peur dans ce film. C'est un film qui m'a fasciné. Ouais, c'est un film qui s'est remis en question pendant le film. Je me suis retourné le cerveau. Mais j'ai adoré, quoi. Ouais. C'était un film. C'est unique, hein. C'est juste génial. Moi, je suis fan de Quentin Dupieux déjà. J'adore son cinéma. Parce que c'est complètement unique, parce que tu vois ça nulle part, à part dans le cinéma bien underground japonais ou des trucs comme ça, tu vois ça nulle part ailleurs, et du coup j'ai vraiment adoré ce film parce que cette fois, alors que bon, je peux bien concéder que Rubber, ces trois derniers films étaient plus des essais techniques qu'autre chose, même s'il y avait quand même une histoire assez intéressante, mais là, il a vraiment quelque chose de précis à raconter, et il le raconte d'une manière mais tellement parfaite. Il démonte tous les codes de la narration hollywoodienne classique, et c'est il n'y a pas vraiment de héros dans le film, et ça c'est juste génial. En fait, on s'attache pas, on s'attache aux personnages, mais en même temps on est rebuté par eux. C'est un étrange mélange en fait de comédie, d'horreur, de... En fait, on rigole, mais on ne sait pas pourquoi on rigole. Et ça, c'est juste... En fait, il essaye de trouver... au lieu de faire rire comme une comédie américaine de base classique, ou une comédie française d'ailleurs, de base avec quelques blagues, etc., quelques situations cocasses, ici, c'est vraiment chercher qu'est-ce qu'il y a derrière le rire et pourquoi on rigole. Et là, c'est vraiment des situations d'inconfort qui nous font rire et on ne sait pas pourquoi. Et c'est le film est monté d'une manière juste exceptionnelle, où on a des histoires qui s'embriquent les unes dans les autres, où on sait vraiment jamais si on est dans la réalité ou dans un rêve. Moi, j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre et que je voulais absolument le revoir, mais j'étais à la dernière séance, malheureusement, de mon cinéma. Et du coup, je suis très très impatient de pouvoir le revoir, pour pouvoir encore plus me prendre la tête sur toutes les situations et toutes les histoires qui s'embriquent les unes dans les autres. Moi je vous conseille énormément. Je sais que ce film va pas faire beaucoup de, n'a sûrement pas fait beaucoup d'entrées, vu son sujet et surtout sa bande-annonce ou sa manière de traiter le sujet justement. Mais il y a plein de sous-textes très intéressants. Et je vous le conseille vraiment parce que parce que moi j'adore. Et pour moi c'est mon film du mois de février. Devant Birdman, devant Kingsman, devant tout. Voilà. Je sais que ça fait pas plaisir à certains. De qui ? Tu pensais moi ? Tu pensais moi ? Non, Morgan. Pour Kingsman, je pense, oui. Ouais. Bon, c'est pas grave. Ah oui. Oh, parce que moi je m'en fous, enfin. Non, bien sûr. Alors, honnêtement, je suis d'accord avec toi, même réalité, non, c'est mon deuxième film préféré de... C'est surtout un film, je m'attendais pas à autant adorer, je me dis je vais le voir parce que voilà, il y a une hype. Voir un film de Dupieux, alors moi, en plus, comme j'ai la carte illimitée, ça me permet d'aller voir des films, même si d'apparence je suis pas tenté, et c'est vrai qu'en sortant de la séance, il y a un avant et un après réalité. Enfin, je dirais même il y a un avant et un après Quentin Dupieux. C'est moi, c'est mon dépucelage de par Quentin, avec un film de Dupieux. Et honnêtement, ça. Alors, je sais pas si ça donne envie de voir le reste parce que Kingsman. Réalité, les lapsus. Réalité me plaisait plus en termes de propos. C'est le meilleur. Son propos. C'est vraiment le meilleur parce que, on sent que tous ces essais techniques ont finalement abouti dans un film pour moi qui est parfait. Qui a aucun défaut, j'en ai trouvé aucun. Que ce soit des acteurs, de la réalisation, le montage, le mixage son, etc. Enfin, tout juste génial. Et les acteurs aussi. On peut nommer Eric Varenheim, qui est un comédien américain, oui. Qui fait vraiment. Enfin, c'est son acteur fétiche. Et moi, je l'ai découvert avec Wrong Cops, qui était dans Wrong Cops, cet acteur, et il est juste exceptionnel dans son sens de l'humour. Mais c'est, enfin, moi, ça me fait rire parce que c'est absurde et en même temps, c'est comme ce film. En fait, il essaye de trouver à chaque fois qu'est-ce qu'il y a derrière le rire, pourquoi est-ce qu'on rigole. En fait, c'est les situations d'inconfort qui nous font vraiment rire. Et voilà. Bon, je veux pas aller en plus en détail, mais si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le absolument. Même si d'apparence ça ne vous attire pas plus que ça. Je suis vraiment la preuve vivante, c'est que voilà, d'apparence ça ne m'attirait absolument pas. Et c'est une petite claque, quoi. Et en plus, ça fait plaisir, on se dit c'est un Français qui a fait ça. Le cinéma français, il y a des auteurs. Ouais. La preuve en enfin. Et en plus, en 1h30 de film. Oui, en plus, c'est 2h20, c'est un film très court, ça passe tout seul, quoi. Allez lire ma critique sur Movie Nerd pour savoir plus en détail. Et nous, on a fini la rubrique Nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Et on passe tout de suite au film du mois, qui est Jupiter Ascending. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing? On est donc à la rubrique du film du mois, et ce mois-ci on va vous parler de Jupiter Ascending. Je refuse de dire le titre français. Donc c'est un film de Lana et Andy Wachowski, sorti en France le 4 février 2015, donc c'était au début du mois. Voilà, ça c'est... Je sais pas, qui veut en parler en premier. Je suis en train de voir qui veut se lancer. Je suis en train de voir qu'il est produit par Village Roadshow. Ouais. Et Anarchos Production. et en fait, j'étais persuadé qui... Ah oui, d'accord, c'est une société qui est en partenariat avec Warner Bros. Ouais. Oui, je me disais, il y a bien un lien, parce que... Ouais. On va revenir sur ça, de toute façon. C'est une grosse partie. Donc voilà, si tu veux commencer, Morgane, Eddie, quelqu'un veut commencer. Moi, après, je crois que j'ai une vision bien particulière du film et j'ai pas l'impression que vous ayez la même. Donc je sais pas si, en fait, ce serait judicieux que j'en parle dès le début. D'accord, ouais. Ouais, je pense qu'il vaudrait mieux que vous commenciez, en fait. Ok, Morgane, si tu veux... Ou... Oui, allons-y. Je rappelle un peu l'histoire ou pas? Oui, vas-y, rapidement. De toute façon, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Oui, c'est vrai, je m'en souviens plus tellement. Je m'en souviens plus trop. Alors, attends. Alors, on va sortir le synopsis Wikipédia, comme ça sera bien. Jupiter Jones est une immigrée russe qui gagne sa vie en nettoyant les toilettes. Elle rencontre alors Kane, ancien chasseur militaire interplanétaire, qui est venu sur Terre pour retrouver sa trace. Jupiter va alors comprendre sa destinée. Elle est l'héritière d'une partie de l'univers. Waouh. Alors... Attention. Telle voix en plus, oh là là, ouais, tu devrais faire voix. En gros, elle est actionnaire, quoi. Ouais, voilà. Elle est actionnaire d'une partie. Ouais, non, peut-être aussi, ouais. Oui. Bref. Du coup, vas-y, Morgan. Sur ce que j'en ai pensé, tout ça, voilà. Bah, comment ne pas attendre ce film, surtout après avoir vu Cloud Atlas il y a deux ans. Et puis les super bandes annonces quand même, parce que les bandes annonces étaient vachement bien. Ah, j'étais pas aussi hypé, enfin bon. Moi je l'ai trouvé vachement bien, les bandes annonces. Elles étaient bien, mais j'étais pas fan du design en fait. Mais finalement, après avoir vu le film. Ah oui, que moi c'est vraiment ce qui m'a donné envie. Ouais, mais vas-y Morgane, je te vois. C'est surtout un film aussi qui nous a un peu fait peur, parce qu'en plus il était censé sortir en juillet ou en août. Il avait été repoussé. Il a été repoussé, donc ça avait un peu fait peur à tout le monde. Déjà en décembre, puis après en février, je crois. Repoussé d'ailleurs. C'est quoi la raison pour laquelle elle avait été repoussée? Parce que je ne suis pas trop... Retouche et au final, je pense remontage, en fait. Malheureusement. Voilà. Les producteurs sont venus là et on dit « Ah, ça, ça va pas trop, tu vois. » Ouais. Ça se voit, malheureusement. Eh oui. Non, un film que j'attendais pas avec impatience, parce que je suis pas comme Axel, je suis pas un grand fan des Wachowski, enfin bref. Les Wachowski, oui. Quel nom compliqué pour des films si compliqués. Et tu penses Wachowski. Voilà. Ouais, mais si je pense à ça, je fais des jeux de mots et ça, c'est pas bon pour l'audience. À l'oral, ça pose pas de problème. En fait. Tu sais, on a vu que quand tu fais tes vannes, il y a un pic d'audience, mais vers le bas. Donc, oui. Ah oui, d'accord. C'est très gentil. D'accord. Je retiens, je vais être humble maintenant. du coup, je suis paumé. Non, donc film, j'attendais, voilà. Curiosité, mais avec. J'avais un petit peu peur quand même, parce que c'est vrai que voilà, cette histoire de remontage, ça me laissait prédire vraiment le pire, malgré que ce soit les maintenant frères et sœurs Wachowski qui étaient à la réalisation. Franchement, j'ai plutôt bien aimé. Maintenant, c'est un film que je considère très réussi sur l'aspect technique, sur l'aspect visuel, qui est quand même assez exceptionnel. C'est un space opéra, oui, je vais appeler ça comme ça. Assez épique par moment, porté par la musique de Michael. J'en ai marre des noms compliqués. Michael Giacchino, voilà. J'allais dire Michael, oui. Il y a des moments épiques dans le film, mais exceptionnels. Une utilisation de la 3D, pour une fois, je trouve assez utile. J'ai pas vu le film. Enfin, moi, je l'ai pas vu. Non. Moi, j'ai vu en 3D. Franchement, je trouve qu'il vaut assez le détour en 3D. Maintenant, c'est un film qui ne mérite. C'est une superbe histoire, mais qui ne méritait pas un film aussi inabouti et aussi court. J'aurais aimé voir un film de 3 heures qui prenne le temps de développer un peu son intrigue, qui prenne un peu le temps de développer ses personnages, parce qu'il y a des fois, le film prend des raccourcis, mais qui m'ont dérangé. Parfois le film, il s'attarde trop sur des détails un peu futiles, et parfois, le film, il prend des raccourcis sur des détails que j'aurais aimé voir davantage développer. C'est un film que j'ai trouvé aussi pas très juste au sujet de... Enfin, en ce qui concerne ses comédiens. Mention spéciale pour l'Oscarisé Eddie Redmayne, ou Redman, je ne sais plus. Allez, faut pas dire du mal de ce type, Quentin. J'adore l'acteur, j'adore cet acteur, mais avant ce film, il m'a fait de la peine. Ouais. Le pauvre. Avec sa voix. Alors, c'est horrible. Le père Fouras, quoi. Est-ce que t'as vu le film? Enfin, est-ce que vous avez vu le film en VF ou en... Moi, j'ai vu en VF. Ouais, on l'a vu tous en VF. L'acteur qui double Eddie Redmayne, qui s'appelle Donald Rignoux, je crois, est un des... Ah, il est connu, celui-là. J'espère qu'il a été voir son docteur. Ah, mais oui, c'est pas le type qui double Titeuf. Je suis quasiment sûr. Oui, et celui qui double Garfield aussi, non. Je trouve que c'est... Je respecte infiniment les doubleurs français, mais alors pour moi, celui-là, c'est le pire. Je ne supporte plus sa voix. Mais vraiment. Même dans Kingsman, il double un personnage pendant 10 minutes. Je ne supporte pas ce moment-là. J'ai envie de me boucher les oreilles. Je ne supporte pas sa voix. Après, c'est vrai que même quand on regarde Eddie Redmayne, pour revenir au film, on sent qu'il cabotine. Mais c'est une histoire que j'ai trouvée plutôt belle, en fait. Il y a vraiment des petits détails comme ça. Par exemple, au tout début, j'étais surpris de me dire, j'ai l'impression que les Wachowski me racontent c'est un conte. C'est vrai que c'est une histoire de Cendrillon, clairement. Mais c'est un film qui aurait mérité tellement. Enfin, c'est pas le film. Enfin, je doute que quand les Wachowski ont pensé à ce film, je doute que quand ils ont vu le film, ils se sont dit, c'est ce film qu'on voulait faire. Je pense que clairement, c'est pas leur film. C'est un film qui a été saboté clair et net, c'est pas le produit espéré, même par eux. C'est évident, de toute façon. Et c'est surtout dommage, parce que le film a quand même... je pense que s'ils avaient été libres de faire ce qu'ils voulaient, je pense qu'on aurait eu un film énorme, parce que visuellement, c'est quand même assez exceptionnel. Là, pour le coup, je peux pas penser à ça. S'ils avaient vraiment voulu faire ce qu'ils voulaient, à mon avis, on n'aurait pas eu qu'un film, déjà. Ouais. On en aurait eu trois. Ouais. une nouvelle trilogie, mais cette fois bien faite. Il y avait clairement la matière pour. Ouais, largement, l'univers qui est développé est juste exceptionnel. Quoi. Ça donne envie. Enfin, on est plongé dans le film, mais on est arraché de l'univers après. Alors que quand le film il passe à 150 à l'heure, alors qu'on veut s'arrêter sur des détails qui paraissent super importants. Comme tu le disais d'ailleurs, Morgan, il y a des trucs qui sont vraiment très expéditifs et on sent vraiment oui. la main putassière des producteurs du film, de la Warner et tout ça, les Masters of Puppets, comme on les appelle, ça sent vraiment le remontage. Ça, c'est vraiment dommage, je trouve. Mais c'est assez déprimant, mais en même temps. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est bien parce que le film critique subtilement ceux qui les ont obligés à modifier leur œuvre, en fait. Donc, ça, c'est... Et ceux, oui, alors, ouais. Ouais. Bah, finissez. Ouais. Après, si je rentre dans le débat, ça va. Donc, si tu as quelque chose à rajouter, Morgane, sur le film. Non, c'est un film qui visuellement m'a beaucoup amusé. J'étais vraiment dedans, ça fait, parce que moi j'adore les histoires un peu comme ça, tout ce qui a un rapport à l'espace, ça me plaît. Ceux qui me connaissent le savent. Mm-hmm. Mais c'est dommage, je me suis dit, mais c'est pas le film. Je sais que c'est pas le film qui était prévu. Et j'ai ressenti vraiment que c'était pas le bon truc, quoi. Il y a de la matière, mais le peu qu'il y a, ça suffit. Enfin, il sera pas dans mon top, il sera pas dans mon flop. Je l'ai déjà oublié, c'est dommage, quoi. Ouais. Mmh, ça reste c'est correct, on va dire, c'est quand même correct, même si ça a été bien charcuté. Ouais. Donc, moi je suis peut-être pas aussi radical avec le film, enfin, même si tu l'aimes bien, j'ai vraiment adoré le film, mais bien sûr, on sent, enfin, comme je l'ai dit avant, que ça a été. C'est pas le produit espéré. Le problème, c'est que je sais pas comment parler du film parce que déjà j'ai eu beaucoup de mal à faire la critique, ça se voit peut-être sur le site parce qu'elle fait je sais pas deux pages de longueur, tellement j'avais de choses à dire et tellement je pouvais pas m'arrêter de parler de ce film. Ce qui m'énerve le plus à propos de ce film, c'est les gens qui crachent dessus en se disant fans de science-fiction. Alors que justement, la science-fiction, ils ont oublié que entre les Gardiens de la Galaxie, qui était, on se moque du côté un peu loufoque de la science-fiction des années 60, 70, etc. Et le côté hyper réaliste d'Interstellar, il y a aussi la science-fiction qui est véritablement, qui a un look loufoque, mais qui est sérieuse dans son propos. Et du coup, ça me gêne beaucoup que beaucoup de personnes qui aiment la science-fiction se disent c'est pas un vrai film de science-fiction, c'est pas un vrai film un vrai space opera. Et je le dis, c'est tout le contraire. C'est exceptionnel dans cette manière d'élaborer ce film. Enfin, les Wachowski m'ont impressionné encore une fois. Moi, je leur donne tout le crédit possible pour avoir fait le film, mais malheureusement, je suis vraiment désolé pour eux qui s'est pas pu faire le film qu'ils voulaient. Il y a tellement de petits sous-textes. Enfin, l'histoire est assez simple à sa base. C'est vraiment, enfin, même si elle est simple, elle critique en même temps la simplicité de certains scénarios. Enfin, c'est vraiment très complexe. Les sous-textes sont vraiment très complexes et très difficiles à percevoir au premier visionnage. Je suis sûr que je suis passé à côté de plein de trucs, comme pour Cloud Atlas, comme pour Matrix. Voilà, donc moi j'ai vraiment adoré ce film, je pourrais pas trop en parler plus, la musique est géniale, voilà. L'univers, il m'a fait penser à certains aspects de la trilogie de jeux vidéo Mass Effect, parce que c'est vraiment le même univers un peu kitsch, années 70-60, Star Trek, un peu dans l'univers, mais un peu plus... c'est pas l'univers Star Trek J.J. Abrams, c'est plus l'univers Star Trek, la série d'antan. Et du coup, voilà, moi j'aime bien Mila Kunis, je trouve qu'elle c'est une bonne actrice, c'est une très bonne actrice dans ce film, et elle le prouve encore une fois, elle cabotine pas, pardon. Et voilà, et j'espère que Il existe une version longue de ce film. Voilà, c'est comme ça que j'avais fini ma critique. C'est, j'espère qu'il existe une version longue de ce film. Ou alors, s'ils ne peuvent pas sortir une version longue, sortez-moi un bouquin où ils avaient leur scénario original. Et moi, je le lirai sans problème, il n'y a pas de souci. Voilà. Et tu seras prêt à leur donner de l'argent pour qu'ils refassent le film. Ouais, ah non, mais là, il n'y a pas de souci. Je donne de ma poche. Ils peuvent lancer un Kickstarter. je donnerai, là, franchement. Donc voilà. Mais bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film, même si je développe bien plus dans la critique sur Movie Nerd. Maintenant, on va laisser Eddy parler du film. Bah moi, j'en suis sorti frustré. Mm-hmm. Mais frustré, frustré, mais en même temps. Avec la sensation, j'en suis sorti frustré tout en me disant que ce que je venais de voir, c'était brillant, en fait. Mm-hmm. Parce que. Pour moi, enfin, en fait, l'interprétation que je m'en fais, c'est que ils se sont ramenés chez leur producteur avec un scénario en béton, ouais. Avec un univers en béton. Et ils avaient vraiment plein de choses à développer, sauf que bah, depuis Matrix, on peut pas dire qu'ils aient fait que des réussites au box-office. Ouais. Mmh. Donc du coup, ben, la prod leur a sûrement dit, alors là, évidemment, faut prendre ce que je dis avec des grosses pincettes, ouais. Parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas, c'est vraiment ce que moi j'en pense, mais du coup, leur prod leur a certainement dit, bah ouais, mais est-ce que ça va être appréhendable par le public, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que c'est pas trop compliqué, voilà, vaut mieux réduire ou faire plus simple et tout. Et à mon avis, dans leur petite tête de génie, ces deux-là, ils se sont dit, à mon avis, je pense qu'il y a un ras-le-bol, en fait. Tu penses que c'était pas écrit à la base cette critique du mode de production hollywoodien Peut-être. Peut-être que c'était écrit à la base, mais ouais. Pour moi, déjà, ils critiquent pas que ça. Ils vont plus loin. Ouais, bien sûr, pour moi, ils critiquent carrément le public aussi. Le public, la société de consommation. Ils nous remettent en place dans le sens où. Et c'est pour ça que le film ne plaît pas et le film ne marche pas. Parce que les gens, ils ne veulent pas entendre la vérité non plus. Ouais. Le fait que. Bah ouais, vous voyez, vous voulez que des gros films où ça pète dans tous les sens, où il y a des univers visuels complètement dingues, mais qu'au fond, bah, l'histoire, elle est simple en fait. Et ben là, c'est ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont fait une histoire hyper simple et on a eu du gros spectacle pendant presque 2 heures, mais au final, on reste sur sa fin. Mais c'est volontaire. C'est pour vous dire, ben voilà, vous voyez, ça sert à quoi de vous faire du beau spectacle si c'est pour avoir une histoire qui tient sur 2 lignes. Et c'est vraiment, voilà, ce qu'on ressort. Et c'est pour ça que j'en suis sorti frustré. Et je me suis dit, oui, mais c'est normal, parce qu'il fallait que je ressorte frustré, en fait. Pour moi, c'est ce qui est vraiment désiré dans ce film. Ouais. C'est, c'est tout. Ça s'arrête là, quoi. On peut pas aller plus loin, on n'a pas le droit d'aller plus loin, et du coup, on va vous faire un truc, pas merdique, mais on va vous pondre ce que vous attendez, quoi. Sans réelles ambitions derrière. Et en fait, si après on regarde un peu dans les sous-textes, évidemment qu'il y a une ambition au final parce que tellement, mais ça donne mal à la tête tellement. C'est... Enfin, si on se met à réfléchir au nombre de sous-textes qu'il y a dans ce film, c'est ça. Ça donne mal à la tête parce que du coup, ce qui en ressort, oui, c'est vrai, c'est un film bateau. Ouais, Mais ce qu'il y a au fond, c'est que tu le sens en fait. Et c'est pour ça que le film est frustrant parce que tu sens qu'il y a tellement un univers riche à développer. Bah, tu te dis, oui, évidemment, de toute façon, ce film c'était fait pour être une trilogie, enfin, cette histoire. Et ils peuvent pas le faire, quoi. Donc, c'est pour ça que en 2 heures, c'est court. Et ils essaient de faire en 2 heures ce qu'eux ils avaient prévu en 6 heures, peut-être, de film en tout, sur 3 films. Et ils essaient de développer la psychologie des personnages, mais en même temps, ils peuvent pas trop s'attarder dessus parce qu'ils ont des grosses scènes d'action qui leur ont été demandées derrière. Donc il y a plein de trucs comme ça. Et c'est un film évidemment, il est très très inégal parce que quand on nous donne pas carte blanche et quand on relègue des vrais auteurs, quand ils se ramènent comme ça, quand t'as 2 vrais auteurs comme ça qui se ramènent avec un gros scénario et puis qu'on leur dit que finalement, ça va être trop compliqué, le public va pas comprendre et puis le film va pas marcher, encore un de plus. Par contre, je vais encore prendre Michael Bay en grippe, mais quand t'as Michael qui se ramène pour dire je vais faire un quatrième film avec des robots, puis je vais même mettre des dinosaures dedans parce qu'ils adorent ça, et puis je vais mettre des nanas, je vais mettre des bombes, mais on va pas, puis en short quoi, parce qu'il faut attirer aussi le puceau prépubère. Voilà, ça par contre on va donner de l'argent parce que ça va marcher en salle, ça va pas être compliqué à comprendre, ça va faire 2h30 mais on s'en fout. Voilà, bonjour la créativité quoi. Alors que moi c'est pour ça, c'est moi en fait c'est vraiment ce genre de séance de cinéma qui me rend triste quand tu vois que t'as des mecs qui maîtrisent la technique en fait, qui savent faire du blockbuster mais qui savent le faire bien, qui savent te raconter des choses, t'emporter dans leur univers et tout, et puis au final on les bride quoi. Donc moi ça me fait chier et ça me fait chier aussi parce que j'ai vraiment de l'affection pour les Wachowski. Que je connais pas tant que ça, mais c'est j'ai un sentiment bizarre vis-à-vis de ces deux personnes parce que tu sens vraiment on peut qu'avoir de l'empathie pour eux en fait, mais c'est ça en fait, ils ont quelque chose de très touchant je trouve dans ce qu'ils proposent et puis ils ont connu la gloire avec Matrix, mais ça a pas récidivé ensuite, donc voilà. Et puis ce qui est bien, ce qui fait que sachant que Hollywood, je prends en guillemets, c'est tous les modes de production à gros capital, y compris en France, souvent c'est très sexiste, qui rabaisse beaucoup les conditions de la femme. Et là, c'est, une femme en héroïne, oui, et en plus, elle te joue pas la simple minette qui doit être sauvée à certains moments. Il y a certains passages comme ça, mais c'est justement pour critiquer ce truc du prince charmant qui vient sauver la belle. C'est juste comme dit Morgan, c'est un film de Cendrillon. Où la Cendrillon devient badass quoi. Et je pense que ça se serait vraiment développé sur une durée plus longue quoi. Donc comme toi, j'espère de tout cœur qu'il y aura une version longue ou une version director's cut qui fasse 3 heures quoi, au moins 3 heures avec ce qu'ils ont pu tourner et tout. Parce que ça se sent quoi, que c'est un film qui était qui propose pas tellement et qui a été c'est un film qui de toute façon a la matière pour proposer plus, donc puis les coupes on les sent quoi, ça se voit dans le montage, c'est tellement mais si je suis mon raisonnement et que je veux pousser le truc plus loin, à la limite même Eddie Redmayne, est-ce qu'il cabotine pas parce qu'on lui a demandé de faire exprès, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, je me dis moi je suis vraiment parti dans l'interprétation du truc le truc c'est que beaucoup de monde l'a pris au premier degré à c'est mon ça avis. Et je pense tout que monde l'a pris au premier degré, c'est pas un film qu'il faut prendre au premier degré, évidemment au premier degré c'est de la merde, mais en même temps de la merde, non j'exagère, non mais c'est pas le niveau d'After Earth, ça reste un bon divertissement comme on dit vulgairement les choses, mais ça va pas au-delà. Par contre, si on en fait, moi l'interprétation que je m'en fais, pour moi c'est ça quoi, c'est vraiment ça. On n'a pas voulu nous financer pour qu'on puisse aller au bout de nos idées, du coup on va vous vendre ce que vous attendez quoi. Ce que vous attendez, c'est classique. Ça va être un énième film de plus. Alors que on avait peut-être le potentiel ici pour avoir un espèce de renouveau du space opéra. Ouais. Et quand tu te dis ça, ça fait. Je vais être vulgaire, mais ça fait mal au cul, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est dommage, quoi. Le triste. À la limite, si on veut jouer sur le titre français, le triste destin de Jupiter Ascending, quoi. Tu vois quand même. C'est tout. Moi je disais que Réalité c'est mon film du mois de février, mais en même temps je pense que Jupiter Ascending c'est un des films les plus importants que j'ai vu depuis très longtemps, en termes de propos surtout. Donc si Morgan, t'as peut-être quelque chose à rajouter après tout ça? Non, je suis très partagé, j'ai envie de le défendre pour les raisons que vous avez citées, parce que c'est un film qui a été malmené, mais en même temps c'est vrai que je suis pas aussi, parce que là c'est vrai que t'as dit que c'était un des films les plus importants, c'est vrai que j'irais peut-être pas jusque là, mais Comme le Didi, on aurait pu avoir le renouveau du Space Opera. On se retrouve avec un divertissement de bonne qualité. Je vais pas non plus. Ah oui, non, mais c'est pas foncièrement mauvais, hein, de toute façon. Non, c'est ça. Hein. Ouais, j'ai le même avis que toi. Et autant je, mais vous savez mon amour pour Star Wars, mais je vais dire que le Star Wars 7, il va pas proposer des choses, des sous-textes aussi, bien sûr pas évidents, mais voilà, ça va être un divertissement. Je vais peut-être l'adorer, je vais peut-être le détester, ça on verra. Mais c'est vraiment un space opéra intelligent, comme on en a rarement vu en fait. Et du coup, Mais moi j'avais un peu envie que ça soit mon Star Wars à moi, quoi. Ouais, mais ça aurait pu être. Et le pire, c'est ça, c'est que ça aurait pu en fait. Parce que moi, Star Wars, je les ai découverts tard. Donc tu vois, j'avais moitié envie que ça soit ça. Ouais. Et malheureusement, ça sera pour une autre fois, quoi. Ouais. Donc, ce que j'espère de tout cœur, c'est que ça va pas les pénaliser pour leurs autres projets, quoi. Parce que, à mon avis, ils ont pas dit leur dernier mot, ils ont encore plein de choses à raconter. Si à chaque fois qu'ils veulent vraiment nous raconter quelque chose, ils sont obligés de se financer eux-mêmes, ça va être compliqué, hein. Parce que Claude Atlas, à mon avis, j'ai pas vu la gueule de leur compte en banque, je le saurais pas, mais à mon avis, ils se sont ruinés, quoi. Et c'est dommage, c'est l'exemple, pour moi, ils incarnent parfaitement c'est des victimes c'est vraiment des victimes du cinéma de consommation d'aujourd'hui. Juste rapidement, je voulais revenir sur on n'en a pas parlé quasiment, les effets spéciaux et les maquillages que j'ai trouvé vraiment géniaux. Ça fait plaisir de voir du maquillage au cinéma, parce que voir de la bouillie numérique à chaque fois, ça m'emballe pas trop, et du coup ça fait plaisir de voir de vrais bons maquillages à la Star Wars, la trilogie originale, qui vraiment avec tous ces petits personnages qu'on voit à peine, qui ont même pas une demi-seconde d'écran, et on sait qu'ils ont passé 8 heures en maquillage juste pour ça. Ça me paraît complètement dingue. Il y a un petit côté old school dans le film qui est assez sympathique. Voilà. Donc voilà, on a parlé pas mal de Jupiter Ascending. Si vous voulez plus de détails, allez voir la critique d'Eddy et ma critique. Et celle de Quentin. Quentin, justement, il n'en a pas fait. La tienne avec celle de Quentin. Il n'en a pas fait, donc justement, j'attendais qu'il soit là pour donner son avis sur le film, mais bon, c'est pas grave. Il a peur, quoi. Il a peur. Il a peur que de donner son vrai avis sur le film. on va passer à la dernière rubrique, qui est la recommandation pas très recommandable. On est donc à la nouvelle rubrique du podcast Movies Nerd, la recommandation pas très recommandable. Et cette fois-ci, c'est Quentin qui nous propose un film à voir pour le mois prochain. On va en discuter le mois prochain avec lui, certainement. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Eddy et Morgan ne savent pas du tout quel film je vais proposer. Donc, c'est un film sorti le 23 avril 2014 Camille Delamar, avec Paul Walker, David Bell et RZA. Il a une note de 3,7 sur Sens Critique. C'est Brick Mansions. Voilà. Heureusement, ça dure 1h38, je vais dire, mais bon, ça va peut-être paraître long. Donc moi, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je pense que je vais être... Je pense qu'on sait très bien à quoi s'attendre. faut être honnête, hein, Axel. Non, mais là, je pense qu'on va souffrir, mais on va pouvoir torturer Quentin le mois prochain. On va même pas souffrir, à la limite, ça va être divertissant, mais il va falloir décrocher le cerveau. Non. Je l'ai vu, hein. J'ai été le voir, ce film. Tu l'as vu. C'est Europa Corp, quoi. D'accord, ok, en plus, je savais même pas ça, tu vois. Donc... Ouf. D'ailleurs, vous savez que c'est un remake de Banlieue 13, ce film. Oh non. C'est le remake américain de Banlieue 13, donc je sais pas ce que valait le film français, donc voilà. Non mais moi, attends, déjà, quand, dans le synopsis, quand je lis « Damien est un policier expert en arts martiaux », alors moi, ça c'est déjà le genre de truc que je ne vais pas voir au cinéma, parce que ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. Il doit infiltrer un dangereux ghetto pour neutraliser une arme de destruction massive. Voilà. Donc... Et surtout, un film, c'est vrai qu'on critique Michael Bay, mais il a quand même un nom quand même plus classe que Khalid Delamar. c'est un cinéaste français ou américain, ça? Ah non, ça c'est on va dire un des sbires de Luc Besson, ouais. C'est-à-dire Besson, il a écrit son truc pendant qu'il était mort. Sbire de Luc Besson. Non, mais Besson, à mon avis, il a écrit ça devant un menu chez Quick un midi. Et voilà, il avait 5 minutes à tuer. Et donc, du coup, il a appelé un certain Camille. À mon avis, il a dû choper le nom dans un annuaire. Il a fait, tiens, vie, je veux. Donc, ah, il bossait peut-être chez Quick. Ouais. Ah oui, peut-être, c'est peut-être pour ça. Bah oui, c'est fast food, c'est trop lit. Voilà. Ils ont écrit ça sur une serviette en papier, tu sais. Je vous garantis que vous allez avoir très mal au cœur, parce que quand on voit la fin du film, parce que c'est un des derniers rôles de Paul Walker, quand on voit la fin du film dédié à Paul Walker, on se dit oh, oh, oh, oh. Je pense que Paul Walker est sorti de sa tombe, il est revenu hanté, toujours pas grave. D'accord. Bon, bon voilà. Donc, Camille dans la mare, ça ouais. Va chier. Donc le mois prochain, on va vous parler de ça avec Quentin et Alors à mon avis, ça va être cool. Ouais, mais en fait, j'ai créé cette rubrique, c'est plutôt pour se moquer des films, quoi. C'est pas pour. Non mais moi, ce qui me fait chier, c'est que en plus, faut se le procurer. Non, attends. on va dire que. Tu savais pas besoin de voir le film. Je peux vous le résumer en trois mots. Pan pan, boum boum. Quentin, en me donnant le titre du film, m'a dit bonne chance à vous deux, donc voilà, ça peut résumer aussi le film. Donc voilà, on se retrouve le mois prochain pour cette rubrique. On est donc à la fin du podcast numéro 13, Movies Nerd. Merci à Morgane d'être intervenu dans ce podcast. Ça fait toujours plaisir de t'avoir dans ce numéro. On peut te retrouver. Vas-y, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet. Alors, moi, on peut me retrouver sur cinemaniac.overblog.com, enfin, ciné-maniac.overblog.com. Mm-hmm. Donc, c'était le blog que j'avais commencé en début 2014 et en juillet, je suis passé sur NeoCritics et j'ai quitté le site pour, voilà, parce que j'avais envie de reprendre un rythme. Je voulais écrire juste pour moi, en fait. Ouais. Et du coup, voilà, vous pouvez me retrouver là-dessus. D'accord. Sur voilà. Twitter, sur. Toujours sur Twitter, si @CineMorgane. Ok, voilà. Eddy, merci aussi d'avoir participé, comme d'habitude. Ça fait un plaisir. Surtout quand on sait qu'on va devoir avoir Brick Mansion pour le prochain. C'est ça qui est bien. Moi, je suis juste invité, j'ai pas me tapé ce genre de film. Ouais. Mais bon, je l'ai fait avant vous. Hein, du coup, tu peux nous dire où est-ce qu'on non, peut. Non, toi, t'es pire, tu vas te les infliger au cinéma, Morgane. Ouais, tu es ce qu'on appelle un sadomasochiste. Malheureusement, pour toi, on n'a pas parlé de 50 nuances degrés. Ah, j'aurais dû en parler de celui-là. Non. Donc, Eddy, vas-y, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Même si c'est alors, bien. Étant donné que je vais être obligé de voir un film comme ça, vous allez présentement être obligé de me retrouver dans un institut spécialisé. Non, vous pouvez me. Vous pouvez me retrouver sur Movies Nerd, sur Sens Critique. Donc, c'est Eastark partout, hein, de toute façon. Mm-hmm. Et sur Twitter, mais bon, j'y suis pas souvent. D'accord. Et puis, sur la page Facebook. Voilà. Ok. Donc, moi, c'est. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Sens Critique sous le pseudo The Lexal. Vous pouvez tous nous retrouver sur Movies Nerd. Vous pouvez nous suivre sur Twitter à @movies_nerd, sur Facebook, sur Google+. Vous pouvez écouter le dernier épisode sur SoundCloud. Vous pouvez vous abonner et laisser des commentaires sur iTunes, c'est important, on ne nous dira jamais assez. Et vous pouvez aussi aller pourrir le mur Twitter à Quentin. Ouais, voilà, au cas où, pour nous infliger ça. Mais il va se prendre des beaux retours le mois prochain quand ce sera moi qui va... et puis après, ce sera Eddie le prochain, donc tu prépares. Est-ce que les invités ont aussi le droit d'infliger des films? Moi, j'aimerais bien en faire un jour. Ouais, okay, je te jure, Morgan, que si tu m'infliges Antichrist, de toute façon, tu sais que je le regarderai pas. Donc, Non, je sais. Non, je connais. Non, je veux. J'aimerais un film mauvais, mais vraiment que ce soit pas insupportable. Ce soit juste insupportable pour votre cerveau, mais pas pour vos yeux. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est très joli, ouais. Comme ça. Et du coup, depuis ce mois-ci, vous pouvez nous retrouver sur PodCloud. Vous pouvez retrouver tous les podcasts, et cette fois-ci ils sont vraiment tous, parce que je sais pas ce que me fait iTunes, mais il n'y a pas tous les podcasts, donc voilà. Là sur PodCloud il y en a tous, sur SoundCloud non plus, hein. Non, sur SoundCloud il faut payer pour pour pouvoir mettre beaucoup de podcasts. En fait, t'as un nombre de minutes limité, donc voilà. Je mets que le dernier épisode, c'est pour ça. Mais sur PodCloud, vous pouvez tout écouter. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur PodCloud. Merci encore d'avoir écouté ce podcast. Merci à vous tous d'avoir participé. Et on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode. Salut. Salut. In the prairie sun, you unbothered to fool him around. When you've seen him, use a gun, boy. When you've seen him, use his gun.